Amis auditrices, amis auditeurs, bonsoir. Vous êtes bien à l'écoute de RGM, la seule radio libre des Vosges, hein, et même plus loin, depuis 40 ans. Libre, ultra libre. Eh oui. Alors, au programme de ce soir, donc, cette émission Mosaïque vous propose chasser des animaux enfermés par Hugo Clément. Voilà, un sujet d'actualité. Ensuite, Coluche nous racontera les journalistes. Hein, Coluche, vous souvenez de Coluche, hein? Ouais. On l'entend plus beaucoup sur les radios, les télés, on n'entend pas. Mais bon, voilà, quelques-uns se souviennent de lui. Hein, voilà. Hein. Ensuite, Jean-Luc Mélenchon, je défends la langue française en Europe. Julie Gagné sur LFI. Et les filles sur BFM TV le 15 novembre. Ensuite, Jean-Luc Mélenchon, la maltraitance sociale doit cesser. Henri Lafont, le parrain de la Gestapo. Alors ça, c'est de l'histoire à écouter attentivement. Henri Lafont, le parrain de la Gestapo. Ensuite, Jean-Luc Mélenchon sur FR3, pour relocaliser, il faut sortir des traités européens. Et puis après, bon, une petite revue de presse. Et voilà, et ce sera tout pour ce soir. Oh, yeah. Et à force de ténacité, nous allons réussir à nous faire inviter dans l'un des plus grands enclos de Sologne. L'homme qui nous ouvre ses portes, c'est Benjamin Tranchant, le président du groupe Tranchant, qui gère des clubs de jeux et des casinos. S'il a accepté, c'est d'abord parce que lui ne fait pas payer. Les participants sont ses invités. Et ensuite, parce que son domaine est tellement grand, 750 hectares, qu'il estime que les animaux y vivent encore à l'état sauvage. Ouais, c'est un dimanche entre amis, sur la thématique de la chasse, une passion partagée par tous les gens ici présents. Et voilà, c'est la raison pour laquelle je vous ai ouvert les portes aujourd'hui. Pour toute la calomnie qu'on entend sur les parcs enclos ou qu'on est dans des zoos. Il ne supporte pas que l'on puisse dire qu'il chasse dans un zoo. Lui qui est si fier de son enclos. Le zoo. Il a installé 150 miradors. Le parc est totalement fermé et même surveillé par 250 caméras pour dissuader d'éventuels intrus. À l'intérieur des clôtures, on trouve toute la faune de la région. Des sangliers, des chevreuils, des biches. Voilà, donc n'importe qui dans ce pays a le droit de clôturer ses héritages. Alors parce qu'on a grand, en fait, il faudrait qu'on entoure juste autour de chez nous et qu'on laisse le reste ouvert pour subir que des dégradations, des intrusions. Ben moi, je dis non. La journée de chasse commence à 9h du matin. Il a invité une dizaine d'amis. Le fusil en bandoulière, ils prennent place sur les miradors. Ok, Denis, vous pouvez démarrer. Je corne, vous cornez de votre côté. Bien, monsieur, c'est parti. C'est bon ? Ah oui, allez, alors. Ces hommes en orange, eux, ne sont pas des invités, mais des rabatteurs. Rémunérés par Benjamin Tranchant. Allez ! Ils sont chargés de repousser les sangliers vers la ligne de mirador où sont postés les chasseurs. C'est une battue. Les invités attendent que le gibier passe dans leur ligne de mire. Hey, hey, sanglier à gauche ! Les rabatteurs viennent de repérer les premiers animaux. Les sangliers passent juste devant les chasseurs. C'est une pratique qui permet aux invités d'abattre les animaux sans avoir besoin de quitter leur poste de tir. Alors, plein d'animaux. Pas d'animaux ? Et j'ai fait des beaux films. C'est vrai ? Ouais. Je crois qu'on en a fait 5 dans cette battue, donc comme on dit, on pourra presque arrêter. Exactement. Mais on va continuer encore. Ils vont enchaîner 6 battues à la suite dans la journée. Bon, vous êtes allé bien en haut, hein, Denis ? Et vous faites bien le carreau, hein. Jusqu'au mirador. Hein. Et à 3 reprises, aucun animal n'est apparu devant les miradors. Il y a eu 3 battues ratées sur les 6. Benjamin Tranchant insiste bien sur ce point. C'est ce qu'il veut montrer à ceux qui diraient qu'il chasse dans un zoo. Bon, ben voilà, je suis désolé, il n'y a pas eu un seul coup de carabine dans cette enceinte. Oui, pour un zoo, je suis désolé, mais il n'y a pas beaucoup d'animaux. Il veut aussi mettre en avant ses principes. Certains résidents de la forêt ne sont chassés qu'à l'approche, à pied, et pas depuis les miradors. C'est l'animal magistral qui représente toute la forêt pour moi. En tout cas, dans mon éthique de la chasse, un gros cerf qu'on a la chance de voir, ce qui est extrêmement rare, ne se tire pas en battue. Au total, ce jour-là, 12 sangliers seront abattus. La plupart offerts à une boucherie ou à des services sociaux de la région. Ok. On va prendre un petit bouillon. Merci. Merci. Bonne journée. Le propriétaire nous a montré la chasse. Il va maintenant nous révéler les coulisses. Les animaux de son parc sont nourris. Ce qui serait interdit à cette période s'ils chassaient en milieu ouvert. Alors les Antilles diront que j'ai pas à donner à manger. C'est leur position. Moi, j'ai le droit aussi de considérer d'avoir envie d'amener un apport supplémentaire à mes animaux. Et c'est mon droit, et je le prends. Mais vous avez le droit. J'ai totalement le droit. Et puis deux, je me prive pas de le prendre. Car dans un enclos, les règles de la chasse sont beaucoup moins strictes qu'à l'extérieur. Bah, ça sent bien la betterave, en tout cas. Mais peut-on encore parler d'animaux sauvages quand ils vivent entourés par des clôtures et qu'ils sont nourris? Ce grand propriétaire terrien justifie sa barrière avec un dernier argument. Ce ne serait pas seulement pour empêcher le gibier de s'échapper, mais c'est aussi parce qu'il s'est aperçu que beaucoup de promeneurs avaient pris l'habitude d'entrer sur son terrain. Voilà, donc là, on va avec son petit panier chercher les champignons. Voilà, bah écoutez, on se balade, on est tranquille. C'est inconcevable d'avoir un accident de chasse et surtout de me retrouver avec quelqu'un qui serait venu sur mes espaces ou sur mes terres, faire je ne sais quoi, et avoir ce soir un accident ou un mort sur la conscience. Voilà, ça ne peut pas arriver, étant sur un territoire entièrement fermé. C'est avec le même argument que beaucoup de chasseurs ferment leur domaine. Thank you.

pendant le débat LR, il y avait une surenchère totalement nauséabonde de propositions, avec l'un qui voulait supprimer la Cour européenne des droits de l'homme, l'autre qui voulait faire des tests osseux sur les enfants, l'autre qui voulait faire passer des tests de français, etc. Bref, c'est une surenchère qui est absolument insupportable. Et surtout, elle démontre qu'il y a une incapacité, en fait, à parler des choses telles qu'on devrait parler, c'est-à-dire de manière humaine, de manière simple. Et je crois qu'aujourd'hui, dans ce débat-là, vraiment, non seulement on ne débat pas de manière sérieuse des sujets, qui sont des sujets sérieux, on peut parler d'immigration, c'est un sujet sérieux, mais ils le font sans jamais parler des causes de l'immigration, sans jamais parler de géopolitique, par exemple, ou sans jamais parler de dérèglement climatique. Il y a un rapport qui est tombé le mois dernier, en septembre, qui disait justement, si on ne fait rien sur le dérèglement climatique, c'est 216 millions de migrants climatiques qu'il y aura dans le monde. Et bien ça, vous voyez, au débat hier, ils ont été incapables d'en parler aussi. C'est un problème, et moi, j'en peux plus, de ces digues qui n'arrêtent pas de sauter, de ce débat de l'extrême droite. À un moment, il va falloir qu'on remette quand même ce qui est au cœur du sujet, c'est-à-dire le social, les salaires, la pauvreté, ces gosses qui sont dehors, qui dorment dehors, des gosses. Moi, je m'en fous de savoir la couleur de peau de ces gosses. Je m'en fous de savoir quel prénom ils ont. Ce que je veux, c'est qu'on traite des sujets-là qui sont importants. Et vraiment, c'est pas du tout le cas. Et je crois que le vrai sujet dont on devrait parler, c'est de la zémorisation des médias en ce moment. Et là, il y a un sujet. Donc si, on peut pas dire que... Enfin, c'est la première fois que j'entends ça. Dites donc. Bon, excusez-moi, ça c'est en boucle. Sur les thèmes. C'est en boucle depuis des mois et des semaines. Mais c'est vous qui êtes mais en vous boucle. Avez... Oui, vous aussi, vous aussi. Bon, bah, écoutez, très bien, vous avez raison, c'est un problème médiatique. Bonsoir Jean-Luc Mélenchon. Bonsoir. Vous présentez demain votre programme présidentiel. Avant ça, une question très rapide sur la situation sanitaire. La cinquième vague de l'épidémie, on l'a dit, elle est là, elle est arrivée, y compris en France. Vous écrivez dans votre programme que si vous êtes élu président de la République, vous abrogerez le pass sanitaire. Vous l'abrogez même avec la flambée actuelle de l'épidémie ? Oui, parce qu'il donne une fausse sentiment de sécurité. Je suis vacciné personnellement, mais on m'a expliqué que je pouvais contaminer d'autres personnes et que je pouvais moi-même quand même être malade. Donc je le comprends, j'ai réduit le risque en me vaccinant et je pense que c'est la bonne technique. Mais pour répondre très rapidement, que ferait-on maintenant là ? Qu'est-ce qu'il y a d'urgent à faire ? Un, moratoire de fermeture des lits d'hôpitaux. Il faut arrêter, on a déjà fermé 13 000 et 5 000 dans la crise. Et puis deuxième chose, pardon, j'y insiste, c'est pour la qualité de nos fêtes de fin d'année, il faut rétablir le test gratuit. Parce que pour l'instant, ceux qui sont vaccinés, vous pouvez faire le test gratuitement, mais si vous ne l'êtes pas, vous ne pouvez pas le faire gratuitement. Mais on s'en fout de savoir qui est vacciné ou pas. Ce qu'on veut savoir, c'est qui est malade ou pas. Donc je crois que pour la qualité de nos relations, à la fin de l'année, il faut rétablir le test gratuit pour que chacun prenne sa responsabilité. Voilà. Revenons à un chapitre important de votre programme, très important. Vous y consacrez de longues pages, c'est la lutte contre la pauvreté. Quelles mesures, au singulier ou au pluriel, quelles mesures importantes prendriez-vous si vous étiez élu président ? Déjà, il y a l'idée que nous voulons, tout le volet social du programme, à côté de l'économie et de l'écologie, tout le volet social, c'est pour faire cesser les maltraitances sociales dans le pays. Et on va dire la peur du lendemain. Alors, le revenu est une question essentielle, ça a été abordé tout à l'heure. Les mesures essentielles, je ne pourrais prendre que des exemples, parce qu'il y en a des pages et des pages, il y a 694 propositions. Je vous donne un exemple. D'abord, l'augmentation du SMIC et des minima sociaux, le SMIC à 1 400 €. Et puis ensuite, plus une seule retraite, quand vous avez une carrière, vous avez fait la carrière complète, plus une seule retraite en dessous du SMIC, tout le monde au SMIC. C'est justice. Et puis, pour la jeune génération, il est temps quand même de se secouer. Voici ma proposition. Tous les étudiants et tous les élèves de l'enseignement professionnel auront une allocation d'autonomie de 1 000 €, à condition, évidemment, de ne pas être attachés fiscalement à leurs parents, que leurs parents renoncent à la demi-part. Et j'imaginais aussi de réutiliser un dispositif qui a bien fonctionné sous le gouvernement Jospin, c'est les emplois jeunes. Alors ça, c'est des emplois qu'on paye au niveau du SMIC, c'est 300 000 personnes. Voilà. Ça fait une relance, si vous voulez, de la consommation populaire qui sera massive et qui, par palier, va réanimer l'activité économique. Les étudiants, les jeunes... J'ai pris des exemples. Les étudiants, les jeunes, les retraités, les salariés, plus de 20 millions de personnes, et je ne compte pas les 5,5 millions de fonctionnaires, vous changez quelque chose pour eux ou c'est le statu quo ? Ah ben non, ça ne peut pas être le statu quo. À partir du moment, si vous voulez, le seul salaire que le gouvernement peut modifier, c'est le SMIC. Les autres, on ne peut pas. C'est la négociation et ainsi de suite. Mais ce qu'on sait, de source sûre, c'est que dès lors qu'on augmente le SMIC, par en cascade, tout le reste augmente. Donc tout le monde a intérêt à l'augmentation du SMIC. Et surtout, ce qu'il faut bien que tout le monde comprenne, c'est que si vous donnez aux braves gens, aux pauvres gens, le moyen de se nourrir correctement, de se chauffer, etc., ben ça fait de la dépense. Moi, quand je vous donne 1000 euros, je récupère 18 derrière, enfin 180, pardon, parce que c'est le taux moyen de la TVA. Vous faites également une proposition spectaculaire dans votre programme, le blocage des prix de première nécessité. Ah ben oui. C'est quoi la liste non exhaustive et pendant combien de temps ? Ben, le temps qu'il faut, que voulez-vous que je vous dise ? Mais quel produit ? Mais prenons l'exemple là du carburant. Bon, vous avez deux possibilités. La possibilité Castex qui dit « je vous donne un petit chèque de 100 euros, total 3,8 milliards, et puis je dédommage ces pauvres fournisseurs d'énergie pour leur perte 1 milliard de 5 milliards qu'on prend sur le trésor public pour donner aux fournisseurs d'énergie. Moi, je leur prends la différence. Je leur dis « c'est dans vos bénéfices que vous allez prendre ». Et je vous donne un exemple chiffré parce que ça fait réfléchir. Si vous prenez 10% de leurs profits, vous entendez, pas plus, 10%, ça donne 500 euros qu'on peut donner à chaque abonné du gaz. Maintenant, si vous permettez, Gilles Bouhaud, tout à l'heure, j'ai parlé de maltraitance. Je m'en voudrais si je vous quitte sans dire un mot de ces maltraitances. Vous avez 800 000 personnes qui sont contractuelles dans la fonction publique qui vivent tous les ans dans l'angoisse du lendemain. Si je suis élu, je les titularise tous le lendemain matin. Et je veux que ça se sache. Ensuite, je n'accepte plus que 85% des contrats d'embauche, quand il y a des embauches, comme ça se passe en ce moment, 85%, c'est des CDD. C'est insupportable. Il doit y avoir un nombre maximum, 5% pour les travailleurs d'entreprise, 10%. Ça suffit de maltraiter les gens. Et il faut aussi lutter contre les sous-effectifs, que ce soit à l'hôpital ou ailleurs. Les gens n'en peuvent plus. Alors, quand je dis ça, on me dit « Ah, mais vous exagérez, mais enfin, vous vous rendez pas compte qu'il y a des gens qui ont faim ? 8 millions. Des gens qui ont froid ? 12 millions. » Enfin, la France a bougé. Alors, vous, moi, on s'en rend moins compte parce que notre condition matérielle nous protège de tout ça et puis qu'on aura peut-être la tentation de pas forcément s'y intéresser parce que ça nous fait du mal. Mais c'est la vérité. Donc, il faut une loi d'urgence sociale pour commencer. Arrêtez de maltraiter les gens. Merci beaucoup, Jean-Luc Mélenchon. Votre message est passé très clairement. Merci d'avoir répondu à nos questions concrètes. Une autre élection, elle vous intéresse, M. Mélenchon ? Elle a eu lieu. Venez me voir le 5 décembre, M. Boulot. J'y tiens un meeting à la Défense et je présenterai les chiffres. Ils étaient usés à 15 ans, ils finissaient en débutant, les 12 mois s'appelaient décembre. Quelle vie ont eu nos grands-parents entre l'absinthe et les grands-messes, ils étaient vieux avant que d'être. 15 heures par jour, le corps en laisse au visage un teint de cendre. Oui, notre monsieur, oui, notre bon maître, pourquoi ont-ils tué Jaurès ? Pourquoi ont-ils tué Jaurès ? On ne peut pas dire qu'ils furent esclaves, de là dire qu'ils ont vécu. Lorsque l'on part aussi vaincu, c'est dur de sortir de l'enclave. Et pourtant, l'espoir fleurissait dans les rêves qui montaient aux yeux. Tels que ceux qui refusaient de ramper jusqu'à la vieillesse. Oui, notre bon maître, oui, notre monsieur, pourquoi ont-ils tué Jaurès ? Pourquoi ont-ils tué Jaurès ? Si par malheur il survivait, c'était pour partir à la guerre, c'était pour finir à la guerre. Aux ordres de quelques sabreurs qui exigeaient du bout des lèvres qu'ils aillent ouvrir aux champs d'horreur leurs 20 ans qui n'avaient pu naître. Ils mouraient à pleine peur, tout miséreux, oui, notre bon maître, couvert de prêtres, oui, notre monsieur. Demandez-vous, belle jeunesse, le temps de l'ombre d'un souvenir, le temps du souffle d'un soupir. Pourquoi ont-ils tué Jaurès? Pourquoi ont-ils tué Jaurès? Juin 40. Les troupes allemandes ont passé la Somme. Les armées françaises sont en déroute. Déclarée ville ouverte, Paris tombe le 14 juin. L'avancée allemande est fulgurante. Fuyant la terrible percée, 2 millions de Parisiens prennent le chemin de l'exode. Dans ces colonnes, on retrouve une foule désordonnée refluant vers on ne sait où. Des familles portant leurs enfants à bout de bras, soutenant leurs vieillards, emportant les quelques valeurs qu'elles ont pu rassembler. L'arrivée des Allemands n'est cependant pas une mauvaise nouvelle pour tout le monde. Remontant à contre-courant cette marée humaine, 3 hommes se dirigent vers la capitale. 2 sont des espions allemands, le 3e est français. Il s'appelle Henri Chamberlain, c'est un repris de justice, un voyou. Dans à peine 1 an, sous le nom de Henri Lafont, il sera l'un des chefs de la Gestapo à Paris. Une police d'un genre spécial dans laquelle on retrouve les plus dangereux criminels de l'époque. Arrestation de juifs et de patriotes. Trafic. Vol. Torture. Assassinat. Nous sommes en juin 1940. La pègre a choisi son camp. Qui est Henri Lafont? Henri Lafont est né en 1902 dans le 13e arrondissement à Paris. C'est un pauvre gosse. Hein. Il a une enfance malheureuse qui le conduit assez inévitablement sur les chemins de la petite délinquance. Donc il est très rapidement repéré évidemment par la police, ce qui le conduit en colonie pénitentiaire jusqu'à sa majorité. Donc Henri Lafont, au moment de la débâcle française, à 38 ans, il a passé près de la moitié de sa vie en colonie pénitentiaire ou en prison, et il est précisément, justement, incarcéré au moment où intervient la chute de la République, hein, au moment où les armées allemandes enfoncent le front français. À ce moment-là, il est en prison à Paris, mais on soustrait l'ensemble des prisonniers à l'avance allemande en faisant reculer en fait ces prisonniers au fur et à mesure que les Allemands progressent dans le territoire. En juin 40, il est incarcéré avec des espions allemands, ce qu'on appelle la cinquième colonne, des espions allemands infiltrés en France, avec qui il va s'échapper. Et c'est là en fait que sa vie va changer. parce que lui, qui n'était a priori qu'un petit voleur, un petit escroc, condamné à la marginalité, à vivre, à subir une vie finalement sans relief, cette rencontre qu'il fait avec ses agents allemands va radicalement changer la donne, puisqu'il va remonter à Paris avec ses agents, qu'il va guider, hein. Lui, c'est l'enfant du territoire, c'est le Français qui va les aider à remonter vers la capitale pour rejoindre évidemment les nouveaux maîtres de Paris, et ces gens-là vont lui présenter évidemment leur supérieur. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il va devenir un agent allemand. La Gestapo, c'est donc la police de sécurité du Reich, qui va, au fil du temps, assumer une fonction de police politique, pourrait-on dire. Et cette police politique va se charger de la répression de toutes les forces qui menacent la sécurité intérieure du Reich. Les Allemands ne sont pas assez nombreux en France pour tenir ce pays sans avoir recours à des auxiliaires recrutés localement. C'est ce que Hitler a théorisé dans Mein Kampf sous l'expression de participation indigène. Ces relais, forcément, on va les trouver chez des gens qui sont prêts à se vendre, qui sont prêts à devenir des traîtres, qui n'ont pas d'autre patrie, finalement, que celle de l'argent. Et évidemment, les gens du milieu correspondent assez bien à ce profil. Ce ne sont pas des gens politisés, ce sont des gens qui n'agissent que pour eux ou pour leur groupe. Ils vivent en marge de la société, ils ne partagent pas le destin de leurs concitoyens. Déjà au départ, ils se positionnent comme étant des ennemis de la société. Et donc, évidemment, passer d'ennemis de la société à traîtres, finalement, le pas est aisément franchissable pour ces gens que la morale n'étouffe pas. Il va travailler avec eux, il leur fait des propositions. Sa proposition, elle est assez simple. Donc, alors, il va servir de délateur, hein, il va faire de la provocation, de l'entrisme. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il va proposer aux Allemands, mais moi, petit truand, mais j'en ai vu plein en prison. Vous savez, ce sont des gens qui ont des condamnations à perpète ou très lourdes. Si vous leur donnez quelques pouvoirs et surtout la possibilité de faire des bénéfices à gauche et à droite, ce sont des gens qui vous serviront extrêmement fidèlement. Dès juillet 40, ça fait à peine un mois qu'il s'est mis au service des Allemands, il se présente à la prison de Fresnes et il exige la libération d'un certain nombre de prisonniers. Et de façon tout à fait extraordinaire, enfin c'est un paradoxe qui s'explique par l'esprit du temps, mais l'administration pénitentiaire ne va pas s'opposer à cette démarche, qui pourtant n'est pas une démarche officielle, qui n'est pas une démarche officiellement soutenue par les Allemands, et qui se fait comme ça, de gré à gré. Lafont arrive à la prison de Fresnes et exige, il montre une carte de police évidemment, il est accompagné de deux sous-officiers allemands, et il exige qu'on libère des prisonniers. Parmi ces 30 prisonniers, on a essentiellement des demi-selles, c'est-à-dire des gens qui forment ce qu'on peut appeler la base de la pègre, de la basse pègre, des gens qui sont des escrocs, des petits escrocs à la petite semaine, mais qui sont très intéressants. Ces gens, une fois éparpillés dans Paris, vont pouvoir ramener au chef, en tout cas à celui qui se pose désormais comme étant le chef, c'est-à-dire Henri Lafont, toutes sortes d'affaires. Et puis, ils vont être ses oreilles. Ils vont être ses oreilles, ses yeux, dans les bars, dans tous les... Voilà, ils vont pouvoir faire remonter les informations. Pouvoir devenir ce que les Allemands appellent un Wehrmann, un homme de confiance, il faut évidemment faire la preuve de son attachement à la cause nazie. Lafont n'est pas un nazi, hein. Lafont c'est juste un opportuniste, mais s'il veut pouvoir profiter des largesses allemandes, il faut bien qu'il montre qu'il est engagé dans cette guerre à leur côté. On est juste après l'épisode de la libération de Fresnes. Les hauts gradés allemands de la capitale ont assez mal pris cet épisode, parce que Lafont, encore une fois, n'avait pas été mandaté pour cela. Et on est quand même face à l'armée allemande, hein, des officiers dans la tradition prussienne, respectueux d'un certain ordre. Et Lafont, à ce moment-là, on est en juillet 40, hein, Lafont, à ce moment-là, est au bord de se faire arrêter. Et donc Lafont apprend que les Allemands aimeraient bien mettre la main sur un responsable des services de renseignement belges qui s'appelle Lambrecht, qui s'est réfugié en France en zone libre, c'est-à-dire hors de leur portée. L'un des prisonniers qu'il a libéré, Adrien Estebetegui, dit le Basque, est originaire, a vécu longtemps en tout cas à Bordeaux, et a des grosses connexions à Toulouse. Toulouse qui est précisément la ville où s'est réfugié Lambrecht. Et Lafont, l'histoire paraît invraisemblable, Lafont fait un raid, tout simplement. Il prend sa voiture, il se rend à Toulouse, il apprend par des membres du milieu local où se cache Lambrecht, il frappe à sa porte et il l'assomme. Et il le met dans le coffre de sa voiture et il remonte à Paris avec. C'est aussi simple que ça, c'est abracadabrantesque, c'est même stupéfiant. Les choses semblent bien s'être passées de cette manière-là. Pour les Allemands, l'effet est exactement celui qu'on peut ressentir en écoutant cette histoire. Ils n'en reviennent pas. Et donc, cette arrestation de Lambrecht a deux conséquences. La première pour Lafont, qui est sans doute devient un personnage intéressant aux yeux de la haute hiérarchie allemande, qui se disent « Tiens, on a quand même quelqu'un qui est pratique, sous la main. » Et surtout, la conséquence la plus dramatique, c'est évidemment pour Lambrecht, et pour les services de renseignement belges, Lambrecht va être maltraité et va être déporté. Et son arrestation va amener l'arrestation de plusieurs dizaines, voire centaines de membres des réseaux belges de renseignement à travers l'Europe. Donc on voit la nocivité d'un homme comme Lafont à travers cette histoire dramatique. On voit qu'un homme peut faire ce mal-là. Ici France Actualité. Des nouvelles de toute la France et de l'Empire. Autour du maréchal Pétain, le pays se retrouve. Retrouve avec l'esprit nouveau son sens oublié, la tradition perdue, la continuité de son histoire. Et quand devant le chef, les milliers de légionnaires lèveront la main pour ce serment dont la simplicité double la grandeur, quand d'innombrables voix diront « Nous jurons de continuer à servir la France et le chef », c'est Pétain qui dira, acceptant une nouvelle fois la lourde charge qu'il porte sans faiblesse, « J'en renouvelle le serment moi-même avec vous ». Les grandes déclarations, les serments masquent une pénible réalité. À l'ombre des anciens héros, un nouveau système s'épanouit. Les places sont libres pour qui accepte de collaborer. Le milieu français s'apprête à vivre quelques-unes de ses plus belles années. Pour Lafont et ses complices, c'est le temps de la puissance. C'est le temps de l'impunité. Les Allemands se comportent certes extrêmement durement, mais tous ces gens ou ces chefs sont pratiquement docteurs en droit, docteurs en philosophie et tout. Ils ont une espèce de respect insensé jusqu'à l'écœurement du droit. Et donc, on ne peut pas faire n'importe quoi. Et donc, les mauvais coups, des attentats contre les synagogues, des assassinats, etc., de l'entrisme dans les réseaux de résistance, on va charger des officines parallèles. Alors voilà comment la Gestapo de la rue Lauriston s'est mise en place et elle diffère de toutes les autres Gestapo, non pas tant par sa violence, non pas tant par l'appât du gain, non pas tant par la crapulerie des gens qui la constituaient, mais par le fait que à la tête de cette officine, 93 rue Lauriston, il y a un truand, chambellan, donc Lafont, et puis un flic. Et pas n'importe quel flic, il s'appelle Bonny, et ce Bonny a été, au moment de l'affaire Stavisky, on l'a traité de premier policier de France. 1934, l'escroc Alexandre Stavisky détourne 200 millions de francs du crédit municipal de Bayonne. Le scandale dégénère en affaire d'État, et le 6 février, les ligues fascistes marchent sur l'Assemblée. C'est l'inspecteur Bonny qui, en réunissant des preuves, permet de faire progresser l'enquête et de calmer les esprits. Pour ce dernier, ce fut un moment de gloire. En fait, c'est un ripou, Bonny, comme il en existe quelques-uns dans la police. Il a été révoqué et il a monté, comme la plupart de ses collègues révoqués, une officine de police privée, vous savez, spécialisée dans la provocation, le divorce, l'adultère, etc. Et pour lui, c'est son bâton de maréchal. Et c'est un bon flic, hein. Bonny, il est ripou, mais c'est un bon flic. Et il va apporter à la Gestapo de la rue Lauriston une efficacité qu'aucune des autres Gestapo n'aura. Les Allemands ont un plan Évidemment, quand ils présentent Lafont à Bonny, ils ont un plan. L'idée, c'est d'associer d'un côté l'instinct du prédateur de Lafont, le voyou qui a des connexions dans le milieu, qui a montré son allégeance hein, au nouveau maître de Paris, et de l'autre côté, la rigueur de l'administrateur, la rigueur de l'enquêteur. Bonny, c'est l'homme qui va créer des dossiers. C'est l'homme qui va créer un fichier alphanumérique. C'est l'homme qui va s'occuper de toute l'intendance de la maison rue Lauriston. C'est-à-dire que c'est lui qui va notamment s'occuper de la caisse, de la trésorerie de la rue Lauriston. C'est l'homme aussi qui va participer aux interrogatoires. Il sait très bien interroger, évidemment, il a été formé pour ça. Et donc cette rencontre entre Bonny et Lafont est voulue par les Allemands, soutenue par les Allemands, encouragée par les Allemands, à tel point que ces deux-là vont former un binôme. Ils rentrent d'ailleurs dans la postérité sous le nom de groupe Bonny-Lafont, la Gestapo de la rue Lauriston, dite Carling, est aussi appelée le groupe Bonny-Lafont, même si Bonny n'est que le second de Lafont et ne sera jamais que le second de Lafont. Le recrutement des membres de la bande de la rue Lauriston ne va pas cesser. Tout au long de la période, Lafont va recruter en fait tous les talents qui viennent à lui. Et on va quand même observer une montée en puissance. On voit qu'il va quand même recruter des gens de plus en plus menaçants, inquiétants, des vrais ennemis de la société, au sens qu'on donnait alors à cette expression. Alors il faut en citer quelques-uns. Abel Danos dit le mammouth, le bel Abel, Bibil, Buffalo Bill. D'ailleurs, ces surnoms disent quelque chose. Le mammouth, c'est un costaud. Buffalo Bill, il tire. Il tire à tout va. C'est quelqu'un qui est toujours armé. Une note de police le présente à l'époque comme extrêmement dangereux, toujours armé, ne pas l'appréhender, attendre les renforts. Donc c'est quelqu'un de très dangereux, Abel Danos, et c'est une légende déjà dans le milieu. C'est un ami intime de Loutrel, Pierre Loutrel, qui va rentrer dans l'histoire du grand banditisme sous le surnom de Pierrot le Fou. Il connaît Joe Attia, qui est le futur roi du non-lieu. Il connaît intimement Georges Bouchesèche, dit le gros Joe. C'est un ami évidemment d'Émile Buisson, dit l'insaisissable, qui va devenir l'ennemi public numéro un. Donc avec Abel Danos, on est tout de suite dans la très très haute voyoucratie, et on est tout de suite dans ce milieu, cette crème du milieu. Un autre personnage très important qui va rentrer rue Lauriston, c'est un personnage absolument considérable, qui s'appelle Jean Sartor, dit Jean le Chauve, qui est considéré par les rapports de police de l'époque comme étant un seigneur du milieu. C'est-à-dire que cet homme a atteint un statut dans le milieu qui fait de lui l'un de ses chefs. C'est un homme qu'on peut considérer comme l'un des 10 plus grands voyous de son époque. Jean Sartor, dit Jean le Chauve, va bien évidemment, comme l'ensemble des voyous, apprendre que le rue Lauriston, il se passe quelque chose, que là-bas il y a un chef qui peut arranger les choses, et il va se mettre au service de cette structure pour tout simplement pouvoir développer ses propres trafics, en reversant bien entendu la dîme qu'on doit au chef, c'est-à-dire la dîme qu'il doit à la fond. Le lendemain, je l'ai retrouvé rue Lauriston. C'est lui. Qui, lui ? En uniforme. Mais tu m'as pas dit qu'il était boche. Mais il l'est pas, il aime se loquer comme ça pour impressionner l'adversaire, c'est tout. Je passe l'éponge. Tu viens avec l'oseille, on efface tout. Regarde-moi quand je te cause. Mais si tu essaies encore de me doubler. Merci, patron, mais c'était juste... Un malentendu, je sais. Ta gueule. T'es arrivé, là, de chez la mamie ? Passe à la caisse dans la semaine, sinon c'est toi qu'on efface. Dégage. Les tableaux. Où sont les tableaux ? Il est bien luné. On y va. Patron, pardon. Je voudrais vous présenter un copain, un très bon copain. Léon Jabinet. Léo pour les dames. On a partagé la même cellule à Fresnes il n'y a pas si longtemps. T'étais tombé pourquoi ? C'est un violent. On dirait pas comme ça, mais il connaît pas sa force. En plus, il est un peu fêlé. Présentement, il est dans la palade. Ah bah, tu connais le tarif. C'est 40 000 balles. Alors, qu'est-ce que c'est qu'être un gestapiste de la rue Lauriston ? Ça veut dire d'abord avoir ce que on appelle dans l'argot du mi-temps, hein, du milieu, le carton. Le carton, c'est un Ausweis très particulier sur lequel il est écrit que le possesseur de cette carte ne doit en aucun cas être inquiété, non seulement par les Allemands, les autorités allemandes, etc., mais qu'il peut même les réquisitionner à sa demande. C'est-à-dire qu'il peut obtenir l'aide des Allemands, qu'ils soient policiers, soldats ou autres. C'est deuxièmement la possibilité, dans un pays où il n'y en a plus, Même la gendarmerie allemande, des fois, en manque. Hein. Il n'y a plus d'essence. Eh bien, d'avoir des bagnoles et de l'essence, sans problème. Et puis, c'est la possibilité d'avoir des armes. Et quelles armes, hein? Des armes modernes, pistolets mitrailleurs, Schmesser, quand ce n'est pas carrément des Beretta. Puis en face, on a les flics officiels. Qu'est-ce que c'est qu'un flic officiel? Ben, ils ont plus d'essence pour leur bagnole. Ils sont armés de 6,35 le français ou Manu France. Vous savez, la portée 10 mètres. Et puis, ben, ils sont comme tous les Français. Ils sont pétris de crainte quand ce n'est pas de terreur face à des gens qui disent, même avec un accent corse, police allemande, Gestapo. Désormais, ils pourront aller cambrioler, ce sera une perquisition. Ils pourront aller voler, ce sera une saisie. Ils pourront aller racketter, ce sera tout simplement une mise à l'amende quasiment officielle, comme si un procès-verbal avait été établi. Donc on est là dans une inversion des valeurs qui correspondent plus généralement aux temps de guerre. Les temps de guerre sont effectivement le moment d'un affaissement moral. De l'océan glacial arctique jusqu'à la mer Noire, soit sur un front de près de 3000 km, les forces allemandes ont pris position. La lutte pour la défense de l'Occident est engagée. La plus grande offensive qui ait jamais été menée au cours de l'histoire est commencée. Bientôt, malgré la résistance des 160 divisions de l'armée rouge, les frontières sont passées sur tous les points. En France aussi, la guerre continue. Une guerre secrète dans laquelle les traîtres sont à l'honneur. Pour Lafont, c'est le temps du triomphe. Dominateur, il sait se faire obéir, craindre et respecter. Son audace et son charisme vont lui permettre de se rapprocher du pouvoir. Lafont, ce petit truand, devient l'un des personnages les plus influents de France. Parce qu'il a des connexions avec les plus hauts gradés allemands en France. Lafont devient quelqu'un d'important. C'est une revanche formidable pour lui. Lui qui a connu finalement une vie assez misérable jusqu'en 40, devient un homme que les puissants veulent connaître. Il va commencer à fréquenter, enfin c'est tout à fait incroyable quand on y pense, il fréquente Laval. Laval le tutoie. Il fréquente Bousquet, le secrétaire général de la police. Il fréquente Amédée Bussière, le préfet de police. Et tous ces gens, pourquoi fréquentent-ils Lafont? Pourquoi? Et bah, parfois c'est trivial. Parfois c'est parce que Lafont peut leur trouver de la nourriture. C'est aussi simple que ça. Par exemple, Boehmelburg, le chef de la Gestapo en France. Karl Boehmelburg passe par Lafont pour se nourrir. Knochen accepte des cadeaux de Lafont. Knochen, qui est quand même le numéro 2 de la police de sécurité allemande en France, c'est-à-dire l'un des personnages les plus puissants présents sur notre territoire à cette époque-là, il se fait livrer régulièrement des cadeaux, il reçoit sans doute un peu d'argent en liquide, etc. Laval vient à lui pour obtenir la libération de deux personnes, c'est avéré. Parce que le but ultime de Lafont, c'est bien entendu de se dégager de la tutelle allemande. C'est bien entendu d'être le plus indépendant possible dans son activité. Et en rendant des services de cette nature-là, et en démontrant sa puissance, même si elle n'est que provisoire, il montre à la fois l'intérêt qu'il y a à le connaître et l'intérêt à le laisser dans cette position-là. On est dans un moment de l'histoire de France, où, dans ce basculement-là, qui autorise ces rapprochements-là, qui autorise qu'un malfrat tutoie le président du Conseil. C'est lamentable, mais c'est évidemment l'une des leçons aussi de cette période. C'est certainement ça aussi l'une des leçons, c'est que on assiste à une inversion totale des valeurs. En fait, les valeurs, où sont-elles dans tout ça? Il faut quand même dépeindre un peu ce système. L'armistice qui a été signé par les autorités françaises et allemandes prévoyait que la France livre un certain nombre de marchandises, il y avait des quotas qui étaient fixés, et que par ailleurs, la France paye au titre des frais d'occupation des sommes absolument extravagantes, anormalement extravagantes, qui ne correspondaient à aucune réalité économique, puisque la France devait payer 20 millions de Reichsmark par jour au titre des frais d'occupation. 20 millions de Reichsmark, c'est-à-dire 400 millions de francs. Donc évidemment, les Allemands ils vont très vite être tentés de spéculer sur cet argent en le réinjectant dans les canaux économiques français pour obtenir en échange des marchandises. Des marchandises qui vont lui permettre, qui vont permettre à l'Allemagne de faire marcher à plein régime son économie de guerre, puisqu'on est dans une guerre totale. Pour cela, ils doivent évidemment trouver les stocks. Et ils doivent aussi proposer des tarifs suffisamment attrayants pour que les vendeurs viennent à eux et leur proposent leurs marchandises. Donc en fait, ils vont le marché noir qu'on décrit et que les Allemands eux-mêmes combattaient, ils en sont quasiment les instigateurs. Les Allemands vont utiliser ces circuits parallèles, grâce aux sommes considérables dont ils disposent, pour faire main basse sur des richesses nationales. Richesses nationales qui vont des métaux non ferreux au vin. Et dans cette galaxie, vous allez avoir ce qu'on appelle des bureaux d'achat, qui ont une existence semi-officielle, qui sont alimentés par ces ressources parfois officielles, parfois qui ne le sont pas, et qui permettent donc à l'Allemagne d'acheter énormément sur le marché français, ce qui garantit également aux intermédiaires des marges très juteuses. En intervenant dans ces processus, les agents de la Gestapo française vont se révéler d'excellents commerçants. Des intermédiaires inquiétants prêts à tous les mauvais coups, des prédateurs voraces à l'affût des bonnes occasions. Pour eux, c'est le temps des affaires, des marchés douteux et de l'argent facile. Le rôle qui va être confié au groupe Bonnier-Lafont, ça va être d'abord de sécuriser ces transactions. Parce qu'évidemment, on est là dans un univers un peu gris, plein de margoulins, qui peuvent être tentés d'escroquer les autorités d'occupation. Dans un second temps, leur action va s'orienter vers le commerce en tant que tel. C'est-à-dire qu'on va leur demander d'aller à la recherche des stocks et de trouver les stocks et de en fait, s'intercaler en tant qu'intermédiaire dans ces trafics entre un vendeur qui est parfois n'est pas d'ailleurs ne souhaite pas vendre, mais Lafont est convaincant, un vendeur et puis l'acheteur final qui sont les autorités d'occupation. Ce sont des trafics très simples puisque dans les bureaux d'achat, on ne demande rien au vendeur. On ne demande ni son identité, ni l'origine des marchandises. Donc évidemment, là, on imagine toute la faune qui est attirée par un trafic aussi simple. Pas de mise de fonds, pas de stock, c'est la recette de la fortune. En cette fin d'année, des âmes charitables songent aux déshérités. Et dans le quartier des Halles, une soupe gratuite leur est distribuée. Ici, ceux qui ont faim trouveront un repas substantiel et aussi un peu de réconfort moral. À cette époque-là, les queues s'allongent devant les magasins, les biens se font rares, l'alimentation est compliquée à obtenir, les Français doivent passer par le marché noir, et dans le même temps, ces gestapos constituent des îlots de prospérité. Au milieu de cette misère, ces groupes de Français qui travaillent pour les Allemands, et évidemment au premier chef, le groupe de la rue Lauriston, vit dans une opulence formidable. C'est une époque absolument merveilleuse pour ces gens-là. Ils sont, ils font bombance pendant que les autres crèvent la faim. Rue Lauriston, on fait fête sur fête, le champagne coule. On est vraiment là dans une idée de rattrapage. Ces gens qui étaient des voyous, des proscrits, des relégables, des condamnés à la marginalité, finalement, d'un seul coup, ont pignon sur rue, font à peu près tout ce qu'ils veulent. Lafont multiplie les aventures, a des aventures avec certaines des plus belles femmes de Paris à l'époque, quelques mannequins, notamment de chez Schiaparelli ou Chanel. On retrouve aussi des starlettes dans l'entourage de Corinne Luchère, qui amène des starlettes avec elle rue Lauriston. Les artistes vont s'encanailler rue Lauriston. On fait des banquets, Tino Rossi vient. Ça fait pas de lui un collabo, ça fait de lui quand même quelqu'un qui participe très légèrement et sans doute sans pleinement prendre conscience de la gravité des choses ou de la dangerosité des gens qu'il fréquente, mais qui participe quand même de ce système de fêtes perpétuelles. Les cabarets sont ouverts, fonctionnent très bien sous l'occupation. Ils sont réservés à une certaine clientèle, qui est celle des collabos ou des officiers allemands. Les maisons closes tournent à plein régime sous l'occupation. Là aussi, Lafont les fréquente, les hommes de Lafont les fréquentent, quand ils n'en sont pas d'ailleurs les propriétaires en sous-main. Les cabarets de Pigalle et de Montmartre passent sous la coupe de Lafont. Avec un ou deux petits hop là, si vous voulez savoir ce que mon cœur pense ce soir en chantant comme ça, tim ba poum ba la, c'est notre espoir. Ces années sont pour ces hommes de la rue Lauriston des années qui peuvent se résumer de la manière suivante. Le soir, on fait la fête, on s'amuse, et le jour, on vend des marchandises ou des hommes aux Allemands. Il faut quand même prendre conscience de l'importance de ces activités. Jean Sartor, le truand Jean Sartor, dit Jean le Chauve, cet homme-là a reconnu après-guerre avoir participé au pillage de plus de 1000 appartements. 1000 appartements en 3 ans. On est dans quasiment un appartement par jour, dimanche compris. Cet homme va fêter son 100e million de francs en 1943. Il va faire une grande fête pour fêter, où il invite tous ses amis des Gestapo et quelques gradés allemands pour fêter son 100e million de francs collectés. Là, on prend quand même conscience des fortunes qui sont réalisées et de l'impunité dans laquelle ces fortunes sont réalisées, alors qu'elles sont à l'évidence totalement d'origine totalement illégale. Même pas illégale, immorale. Et évidemment, pour pouvoir faire du commerce avec les Allemands, il faut aussi faire de la répression pour leur service. Et donc, il y a une sorte de d'équilibre qui va se trouver comme ça entre dans les Gestapo françaises et évidemment rue Lauriston, entre d'un côté les affaires commerciales et la répression. Et tout ça parfois se mélange. On peut faire des affaires commerciales en faisant de la répression. Quand on va arrêter des agents alliés parachutés, généralement, ces agents alliés parachutés ont de grosses sommes d'argent sur eux. On les récupère à ce moment-là. Quand on va intervenir chez un riche juif dans le cadre de la politique antisémite suivie par l'occupant à l'époque, tout est pris dans la maison, jusqu'aux prises de courant. Si vous voulez, ce système se tient bien. Pour les Allemands, il est d'une grande efficacité, parce que ces agents ne leur coûtent finalement rien. Ils ont finalement des dizaines de Français à leur service dans les Gestapo françaises qui leur coûtent pas un sou. Ces agents se nourrissent sur la bête. Quand ils arrêtent quelqu'un, ils le dépouillent. Ce sont des loups. Et ces loups, les Allemands leur mettent une laisse. Ils en font des chiens de garde. Cette meute va traquer les résistants, harceler les juifs. Les truands deviennent policiers, d'étranges policiers qui interviennent hors de tout contrôle. Intimidation, abus de pouvoir, violence. C'est le temps de la répression. La torture a toujours été utilisée comme un moyen, rue Lauriston, pour forcer les gens arrêtés à parler. C'était une torture qui n'était pas particulièrement élaborée. Il s'agissait de tabassage à coups de nerf de bœuf ou à coups de poing ou de pied ou de bastonnade. Parfois, le supplice de l'eau était utilisé, c'est-à-dire en fait qu'on prenait le prisonnier et qu'on le plongeait dans une baignoire, en général remplie d'une eau saturée d'immondices, hein, ça fait partie aussi du processus d'humiliation des victimes, et on le plongeait dans l'eau jusqu'à suffocation. C'est extrêmement éprouvant pour la personne qui en est victime, et en général, les évanouissements arrivaient très fréquemment, et pour réveiller les prisonniers, on leur glissait entre les dents à ce moment-là un mélange de savon et d'essence. On est dans un schéma de torture qui se multiplie une nouvelle fois et qui atteint en fait des paroxysmes qui sont terrifiants, extrêmement choquants. Les prisonniers, certains prisonniers français ont expliqué, après avoir été arrêtés par les hommes de Lafont et avoir été ensuite remis aux autorités allemandes, qu'ils étaient mieux traités par les Allemands que par les Français de la Gestapo. Un des phénomènes de la torture, c'est d'abord cette espèce d'avilissement de l'être que cherchait la Gestapo. Au départ, ils voulaient obtenir des aveux, parce qu'ils étaient extrêmement formalistes et pointilleux. Oui. Il leur fallait des aveux, écrits, enregistrés, notés, et ensuite la justice expéditive pouvait passer, mais seulement après des aveux. Des aveux, n'importe quoi. Mettons que l'on veuille torturer pour obtenir des renseignements. Mais je crois que dans le cas de la Gestapo, c'était bien pire que ça. C'était une espèce de volonté sadique de faire du mal. La la rue Lauriston a excellé dans la lutte contre les réseaux français. Alors, on introduit, hein, on fait de l'entrisme dans ces réseaux, et des gens qui vont évidemment trahir l'organisation qu'ils ont pénétrée. Alors, pour prendre des réseaux très connus, hein, Alliance a subi plus de 400 arrestations. Marco Polo, qui est un groupe de résistance, c'est de la résistance très liée à Londres. Là, c'est pareil, hein, tombe plusieurs fois, trois fois l'état-major de Marco Polo. Défense de la France est également subi des arrestations et des chutes énormes, dont la plus emblématique, Geneviève de Gaulle, qui est d'ailleurs arrêtée par Bonny lui-même. Hein. Les Allemands ont toujours été très vigilants par rapport aux questions de propagande. C'est parce qu'ils prennent la presse clandestine au sérieux que Défense de la France, qui est l'un des journaux les plus importants de la France captive, est dans leur ligne de mire. Vous allez avoir une traque policière, c'est-à-dire que des individus vont être arrêtés soit à leur domicile, soit sur leur lieu de travail. Des hommes de la bande Bonny Lafont vont être postés rue Bonaparte dans une librairie qui s'appelle Au vœu de Louis XIII, librairie qui est la boîte aux lettres principale du mouvement de résistance, c'est-à-dire là où ils déposent des consignes, là ils reçoivent des consignes, etc. etc. Bon, j'avais des petits papiers dans une enveloppe à déposer. Je me dis, bon, je vais prendre la bicyclette de mon père. Et puis je prends ma bicyclette, je pars tranquillement, je pose ma bicyclette à deux pas de la librairie, et puis je me dis, c'est drôle, la porte n'est pas fermée comme d'habitude. Je ne sais plus exactement quel détail, hein. Et je me suis dit, bon, est-ce qu'il faut entrer, est-ce qu'il ne faut pas entrer? Je me dis, écoute, si on a peur parce qu'une porte est comme ci ou comme ça, c'est pas la peine de vouloir continuer à faire des choses par-ci, par-là, il faut mieux s'arrêter. Et comme tu n'es pas parti pour t'arrêter, alors ben, il faut le faire. Alors j'ouvre la porte, et là il y a quelqu'un qui me saute dessus. Je ne sais pas si c'était Bonny ou Lafont, mais il y avait deux hommes qui étaient là, et qui m'emmènent directement dans l'arrière-boutique. Quel est le bilan de cette opération? En gros, une cinquantaine de membres sont arrêtés. 25 sont arrêtés au vœu de Louis XIII et l'autre moitié sur leur lieu de travail ou à leur domicile. J'ai passé la nuit du 20 juillet 43 en prison, à Fresnes, et je n'en suis sorti que vers le 20 janvier 44. Et là, de partir en train pour arriver directement à Brunwald. Et pour partir à un autre endroit qui était en Autriche, qui était Mauthausen. Mes chers amis, pour la quatrième fois, la France célèbre dans l'épreuve et la tristesse un Noël de guerre. Noël, fête de la nativité, et la mort plane sur le monde entier, et la France subit chaque jour l'épreuve cruelle de nouveaux crimes et l'immense misère des bombardements. Malgré tant de désastres, je garde ma foi dans l'avenir de la France. Une fois de plus, je vous adjure de penser par-dessus tout au péril de mort que courrait notre pays si sur lui s'abattait la hideuse guerre civile. Les incantations n'y feront rien. Le vent mauvais redouté par Pétain souffle chaque jour plus fort sur la France. Les maquis enflent. La résistance se développe. Lafont le vautour s'imagine à présent en aigle. Le voyou se rêve général. Fin 43, le système du bureau d'achat perd son efficacité, perd son sens, devient moins rentable pour les Allemands. Donc en fait, on observe un basculement. Beaucoup de ces accrédités qui jusqu'à présent étaient tantôt dans de la répression, tantôt dans du commercial, vont basculer vers une activité plus spécifiquement répressive, c'est-à-dire mener très concrètement des assauts contre des mouvements de résistance. Colonel Knochen, notre ami Lafont, qui a l'énergie et l'expérience propre à vaincre dans ce genre de lutte, propose de mettre sur pied une brigade composée d'ex-tirailleurs nord-africains, équipés et entraînés par ce soin, avec pour mission ramener le calme et l'ordre dans les campagnes. Notre seul objectif est la libre circulation de nos troupes afin de permettre le prélèvement de ce qui est nécessaire à notre indépendance et aux besoins du peuple allemand. Cher ami Lafont, si dans, disons, 3 mois, l'exode n'est pas sûr, nous appliquerons aux paysans français le régime que nous appliquons aux Moujiks en Russie. Et ça, c'est clair? Tout à fait, colonel. Allez, bois un coup, c'est du bon. Te casse pas la tête avec ça, je vais m'en occuper. Lafont a pris goût au pouvoir. Il est un chef de service de police, respecté, craint. Il a une autre ambition. Il a l'ambition de devenir un chef de guerre. Et donc, il a une grande idée à la fin de l'année 43. Il a l'idée de mobiliser, ou plutôt d'incorporer, les prisonniers nord-africains que les Allemands détiennent depuis 1940 dans un corps d'armée. Hein, il a carrément cette ambition. Et évidemment, les Allemands ne peuvent finalement accueillir que favorablement l'idée d'une troupe qui viendrait sécuriser les arrières de leur front. Il s'agit d'une population pauvre, peu éduquée, qui est constituée essentiellement de manœuvres, de journaliers, de garçons de bar. On trouve parmi eux quelques souteneurs, quelques délinquants. On trouve aussi quelques assassins. Donc on comprend très bien pourquoi est-ce qu'ils s'engagent dans la brigade nord-africaine. C'est d'abord et surtout pour avoir eux aussi une carte et être à l'abri des investigations de la police. Et là, à cette occasion-là, ils rejoignent l'ordre noir et ils deviennent des militaires SS. À cette occasion, Lafont obtient le grade de capitaine, Bonny et les 5 chefs de section deviennent des lieutenants. Pour les gestapistes de la rue Lauriston, avec le temps des défaites du Reich, vient celui de la répression. Une répression sauvage, sans limite. Ils porteront le feu dans les provinces frondeuses. Ils brutaliseront, ils pilleront, ils violeront. C'est le temps des massacres. On va essentiellement parler de son activité en Corrèze et en Dordogne, qui au départ était une activité de pacification de la zone, va rentrer dans une logique de terreur. À défaut d'attaquer les maquis et d'en venir à bout, ils vont essayer de pacifier la région par la terreur. Et à chaque fois qu'ils vont intervenir, ils feront de la même manière. Ils opéreront de la même manière, menaçant, volant, pillant et violent, le cas échéant aussi. Il y a beaucoup de viols, évidemment. Donc là, on est, il y a une horde sauvage qui s'abat sur cette région. Donc évidemment, ils se vautrent littéralement sur les populations civiles et sur les gens qu'ils arrêtent. Ils menacent les pères de famille en leur expliquant que s'ils ne leur donnent pas leurs économies, toute la famille va être déportée et ils en ont le pouvoir. Donc évidemment, on se retrouve face à des populations totalement démunies, sans aucune protection face à ces fous furieux. Il y a le cas par exemple à Tulle, avec Monange et un autre membre de la brigade nord-africaine qui agresse un jeune homme dans la rue pour rien. Le jeune homme passé, ils veulent l'arrêter, contrôler ses papiers, ils sont tous les deux ivres, et le jeune homme simplement résiste, il ne veut pas donner son bras pour se faire arrêter, il se fait tabasser très sévèrement, avant de prendre une décharge de fusil mitrailleur dans les jambes, ils veulent l'obliger à se relever, et ce malheureux ne peut évidemment pas se relever, il se fait encore tabasser, enfin il va finir handicapé à vie, pour rien, ce jeune homme n'était pas un résistant. Puis, en fait, au rouge, le chemin de la brigade nord-africaine. En fait, un chemin qui est jalonné de sang, de cris, de peur, et qui pèse lourd à la sortie, puisque on voit qu'on a plus de 100 victimes d'exécutions sommaires faites par les gens de la brigade nord-africaine. France Actualité. Nuit du lundi 5 au mardi 6 juin 1944, nuit historique. les Anglo-Américains débarquent sur le sol de Normandie. Dans la nuit, des milliers de tonnes d'acier s'abattent sur les navires où pilonnent les défenses allemandes. Des unités légères prennent pied sur le rivage. Et voici l'aube, au large, l'impressionnante flotte anglo-américaine. Le 13 août 1944, les derniers éléments de la brigade rentrent à Paris. Il faut dire que la plupart étaient déjà rentrés, Lafond était déjà rentré, écœuré d'ailleurs. Hein. Écœuré pas tant par l'activité de ces hommes, mais davantage par le sentiment de plus en plus clair que la partie était perdue. Les bombardiers, à leur tour, déchaînent l'attaque la plus massive qui ait jamais préparé une opération militaire. Les villes, le pays entier sont coventrisés, comme disaient les Allemands. Car il ne faut jamais oublier que ce sont eux qui ont commencé. Eux qui se vantaient de tout détruire quand ils se croyaient les plus forts. Lafond et Bonny vont tenter de s'enfuir. Leur idée première, c'est de rejoindre l'Espagne. Malheureusement pour lui, il part donc avec Bonny et leurs enfants. Et là, il va vivre ce que lui a fait vivre aux autres. Il va tomber sur un barrage qui... évidemment, on va lui confisquer sa voiture. Et il va demander au fils de Pierre Bonny, hein, Jacques Bonny, de rentrer à Paris en vélo pour demander de l'aide à un ami à eux, en tout cas à quelqu'un qu'il croit être un ami à eux, un trafiquant notoire qui s'appelle Joseph Joanovici, un personnage très ambigu, très complexe, résistant par ailleurs, mais pas vraiment, un personnage tout en gris. Et Joseph Joanovici va balancer. Hein, ses anciens amis, Lafond et Bonny, et la préfecture de police va envoyer des hommes pour les cueillir. On est en septembre 1944. Procès Lafond va s'ouvrir très rapidement, puisque dès décembre 1944, l'ensemble des membres de la rue Lauriston qui ont été arrêtés vont être conduits devant le tribunal. On est quand même juste 3 mois après leur arrestation, ça veut dire que on est dans une instruction qui a été faite dans un temps record, trop rapide. Et d'ailleurs, ça a énervé les forces de police qui s'occupaient de l'enquête. On sent qu'il y a eu sur cette affaire une pression, et une pression notamment très particulière des services de renseignement français. Et l'opinion publique, par ailleurs, exigeait des têtes. Il fallait tuer les traîtres, et là, on avait les traîtres parfaits. Ils passent en jugement et sont tous exécutés. Hein, ils sont 9 à être conduits au peloton d'exécution un matin de décembre 1944, fin de la rue Lauriston, exécution de ces meneurs. Au palais de justice à Paris, 2 traîtres ont été condamnés à mort pour avoir prêté aux Allemands une aide ignoble. Lafond et Bonny, que vous voyez en uniforme allemand. Les traîtres ont été condamnés à être fusillés par un peloton d'exécution composé de FFI. Quelle erreur d'avoir fusillé ces gens si vite alors qu'ils avaient tant de choses à nous dire. Faut penser qu'ils ont été fusillés dès décembre 44. Vous imaginez, la guerre va encore durer 7 mois. Je dirais que peut-être on les a fusillés d'autant plus vite qu'on n'avait pas trop envie qu'ils racontent des choses. Il y aurait peut-être eu des mensonges, hein, bien sûr. Mais je pense qu'ils savaient quand même un certain nombre de choses, un certain nombre de personnalités qui... auront des rôles politiques ou autres sous la 4e République, ne sont pas tout à fait blanc-bleu vis-à-vis, par exemple, de Lafond et de la Gestapo de la rue Lauriston. Quant à la piétaille, parce que c'était des types impressionnants, hein, qui ont des meurtres et des tortures sur la conscience, des chutes de réseaux de résistance ou autres. Beaucoup se sont recyclés après-guerre. Hein. Alors, le passage de la guerre à l'après-guerre, pour eux, s'est fait par le biais de la résistance. Un grand nombre qui avaient senti le vent venir, hein, et qui en plus avaient été plus ou moins embauchés par des réseaux de résistance pour leur spécialité, professionnels, notamment l'exécution, hein, en plein air, public, comme ça, au milieu des gens, ça ne s'improvise pas. Hein. On avait besoin de tueurs, on a embauché des tueurs. Eh bien, un certain nombre, grâce à ce biais de le passage par la résistance, vont échapper à la police et vont échapper à la justice, d'une certaine manière. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir que ces gens-là ont pris des habitudes d'impunité, d'argent, de grosses bagnoles, d'efficacité, de maniement d'armes qui sont quand même des armes de guerre. Et ce sont eux qui vont constituer le milieu des années d'après-guerre. On peut difficilement ne pas citer le cas Ricord, Auguste Ricord, qui sera bientôt connu dans le milieu international, cette fois-ci sous le surnom de El Viejo, le vieux. Quel est son rôle pendant l'occupation aux côtés de Lafont? Il s'occupe des équipes qui raquettent les établissements de plaisir de Pigalle et des Montmartre. En tout cas, Auguste Ricord passe par l'Espagne et rejoint l'Amérique latine, où, grâce à ses connexions dans le milieu corse, lui-même est corso-marseillais, il va devenir un élément central, ou en tout cas l'une des têtes d'affiche de la French Connection, ou en tout cas de cet ensemble de réseaux qu'on a appelé la French Connection, que d'ailleurs on appelle de plus en plus la Corsican Connection. Eh bien, ce sont des accusations fausses et sans preuve. Et une accusation sans preuve, elle peut être niée sans preuve. Je suis arrivé à la fin de la guerre en Argentine, où aussitôt j'ai commencé à faire des restaurants français, il n'y en avait pas. Ma seule chose qu'on peut me reprocher, c'est d'avoir eu une clientèle de trafiquants de drogue. Bah vous avez été condamné en France, de toute façon. J'ai été condamné très jeune, j'avais 14 ans et demi. Et j'étais condamné pour port d'armes. Et comment on peut dire, tentative de meurtre. Par ailleurs, d'autres anciens gestapistes vont très bien savoir se recycler. Pierre Loutrel, dit Pierrot le Fou, va fonder après-guerre, au lendemain immédiat de la guerre, et en tout cas jusqu'en 45-46, ce qu'on a appelé le gang des tractions avant, multipliant en fait les braquages, les attaques à main armée de façon très audacieuse. Hein, ils sont d'ailleurs rentrés dans la légende. Et qui est-ce qu'on retrouve autour de lui, hein, dans son équipe, ses proches, ses amis? On retrouve Joe Attia, qui va devenir l'un des caïds de Paris jusque dans les années, à la fin des années 50, début des années 60. On retrouve Abel Danos, hein, le fameux mammouth. Hein. On retrouve aussi Georges Bouchossèche, qui va être un voyou d'une extrême importance, notamment dans les années 60. On retrouve, d'une manière générale, un certain nombre d'anciens, peut-être pas directement gestapistes, mais des gens qui étaient vraiment très proches, hein, de cette structure, qui parfois ont donné des coups de main. On les retrouvera dans quasiment toutes les associations criminelles de l'après-guerre. Fuyant le peloton d'exécution, la plupart des truands de la Gestapo française se dispersent dans la nature. On les retrouve en Europe, en Asie, en Afrique ou encore aux Amériques. Cet éparpillement jette les bases d'organisations internationales du crime. Cigarettes, drogues, armes, prostitution. Ils sont dans tous les trafics. Se mêlant de renseignements, se rapprochant dangereusement du monde politique, ils interviennent partout. Si les meneurs ont été mis hors d'état de nuire en 1944, nombreux sont les prétendants prêts à prendre la relève. Beaucoup de ceux-là sont passés par la rue Lauriston, à l'école d'Henri Lafont, le parrain de la Gestapo. complicité dans la débile, la méquette dans la mafia. Un coup de sourdine, deux sous combine, et ta vie ton radar. Tandis toi tu joues à l'homme, tu me l'as fait au cousu d'or. Tu n'es qu'une pomme, car les vrais hommes, ça fait des petits efforts. Méfie la mafia radine, t'as une bonne place à l'usine. C'est toi que t'aimes la mandoline, mais la mafia, elle aime ça. Pour mieux beurrer tes tardines, et merdailler ta poitrine. Faut savoir jouer de la chopine, et la mafia, elle aime ça. Tant pis si t'es au bas de l'affiche, avec à être dans la mafia, un petit pourriche, et te v'la riche, avec un nom comme ça. Tandis que toi tu prends des poses, t'es même pas dans le bottin. Ça dispose, mais c'est à cause de ça que t'es dans le pétrin. Méfie de la mafia, se ramène, t'es ni José ni Carmen. Quand tu chantes, c'est la bohème, et la mafia, elle aime pas ça. Tu vas traîner en terre en gaine, le long de la longue scène, en crachant sur ceux qui gênent, et la mafia, elle aime pas ça. Tant pis si tu meurs dans la dèche, vaut mieux crever dans la mafia, avec une crèche, dans une calèche, et des croque-muches en soie. Tandis que toi tu pars en somme, tu pars comme t'es jamais venu. Un petit coup de gomme, si t'es un homme, personne n'en a rien su. Regardez-moi le mec qui se taille, tiré par deux chevaux de bataille, suivi par un chien qui braille, à son amour, à son amour. Et la mafia qui se cavale, Carrefour loué sous la dalle. C'est pas comme pour la fringale, c'est jamais le jour, c'est jamais le jour. Si tu chantes ma chansonnette, pour faire ton métier de vedette, t'as qu'à barrer ce qui t'embête avec des X, ou bien chanter en anglais les conneries qui plaisent aux riches. Alors tu seras sur l'affiche, Apocatix, Apocatix. Bonjour Jean-Luc Mélenchon. Bonjour. On va commencer par une photo saisissante d'hommes, de femmes, d'enfants qui sont venus d'Irak, de Syrie, et qui sont coincés à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne, côté biélorusse. Ils sont environ 3000. Des témoignages font état de morts parmi eux. Ils veulent venir en Europe. Faut-il les accueillir en Europe ? Non. Premier sujet, avons 2 à 3000 personnes en situation de détresse absolue, qui ont été manipulées par l'État biélorusse ou bélarusse, on appelle ça comme on veut, et de l'autre côté, par des Polonais qui profitent de la situation pour envenimer toutes les relations avec tout le monde. La première chose qu'on fait, c'est d'empêcher que ces pauvres gens meurent de froid. Je voudrais rappeler que ce ne sont pas des pions. Comment on fait pour empêcher les gens de mourir de froid ? On les met au chaud, on leur donne à manger, on s'occupe d'eux. En là France, où ils se trouvent, ils sont aujourd'hui en Biélorussie. Il est extraordinaire qu'on ait à se justifier de demander que l'on soit humain avec des êtres humains. Ça, c'est la première chose. Donc, faut qu'ils soient accueillis en Biélorussie. Mais ils sont en Biélorussie. Donc, on choisit. D'accord. Biélorussie, c'est plus facile. Ah bon? Donc, vous voulez pas les faire venir en Europe? Mais c'est pas, attendez, on s'est pas bien compris. Vous m'avez demandé ce qu'il fallait faire. Oui. Je vous ai dit, il faut d'abord s'occuper d'eux. Je vous ai demandé, est-ce qu'il faut les accepter en Europe? Et moi, je vous ai répondu, la première chose dont on doit s'occuper, c'est d'empêcher qu'ils meurent de froid. Pourquoi je vous dis ça? Oui, mais vous parce que pas vous où. Avez, pardon, mais vous avez eu un responsable du Front National, Rassemblement National, qui a dit, oui, il faut les laisser mourir de froid. Or, ce monsieur pense, comme pensent un certain nombre de Polonais ou de Hongrois, qui sont des gens dans des régimes qui eux-mêmes ne sont pas si démocratiques que ça, trouvent normal de laisser mourir des gens de froid. Nous parlons de 2 ou 3 000 personnes qui veulent entrer dans un ensemble qui en comporte 450 millions. L'Europe. Donc faut-il les accueillir en Europe et en France ? Mais là, nous sommes dans la situation où ils sont bloqués. Nous aussi, nous sommes censés bloquer les gens qui veulent aller en Angleterre, nous sommes censés les bloquer dans le Pas-de-Calais, d'accord ? Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On les laisse passer ou on les garde ? Je vous pose la question. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire ? On commence par se calmer, parce que ça, c'est uniquement fait pour provoquer des tensions qui comportent un danger extraordinaire de guerre. Et moi, j'ai pas envie de ça. Je saute pas à la corde, parce que le tyran bélarusse a décidé qu'on devait maintenant être provoqué, nous l'Europe, puisqu'ils ont envoyé 2 ou 3 000 personnes essayer d'entrer en Europe. Vous dites qu'il faut les mettre à l'abri là où ils sont. Bien sûr. Les instances européennes estiment que derrière ça, il y a aussi la Russie. Et Vladimir Poutine dit, lui, qu'il n'a aucune responsabilité dans cette situation. Faut-il le croire ? Le croyez-vous ? Je pense qu'il faut le prendre au sérieux. Le croire, donc ? Oui, non, le prendre au sérieux. La politique internationale n'est pas une assemblée générale de bisounours, d'accord ? Il n'y en a pas. Personne n'est gentil là-dedans. Ni la Pologne, ni la Biélorussie, ni la Lituanie, ni les Russes. Personne, ça n'existe pas, les gentils en politique internationale. Donc il s'agit de traiter une crise. Notre intérêt est que la pression redescende. Est-ce que les Russes sont derrière cette manœuvre ? À mon avis, mais ce n'est que mon avis, certainement pas. Tellement elle est grossière et tellement elle est maladroite. Les Russes sont plus subtils. Alors, comme je m'en tiendrai à la position française, d'accord ? Quand on est dans une crise, en général, faut appuyer son pays. Pas toujours, mais des fois, oui. Là, la France est adressée à M. Poutine. Donc on ne peut pas s'adresser à M. Poutine en lui disant « Est-ce que vous voulez bien faire l'intermédiaire ?» Sachant que le tyran bélarusse, lui, n'a aucune marge de manœuvre. Hein. Et c'est vrai que si les Russes se fâchent, le Bélarusse fera ce que les Russes diront. Voilà. Donc, si on veut parler avec M. Poutine, sans illusion, il ne faut pas en même temps l'injurier. Voilà, je dis juste d'accord. Ça. Bah, la politique internationale... Emmanuel Macron reçoit Vladimir Poutine dans quelques jours, donc on verra où il en est. J'espère qu'avant quelques jours, on aura mis à l'abri ces pauvres gens et leurs enfants. Là où ils sont. Évidemment, là où ils sont. Où voulez-vous les mettre ? Lors de son intervention... Peut-être, attendez, tout compte fait, puisque vous voulez me pousser de ce côté-là. Je veux savoir, juste. Puisque la Pologne, qui fait si souvent étalage de ses convictions religieuses chrétiennes, qui au nom de ses convictions interdit l'avortement, etc., puisque le christianisme a l'air d'être si important pour les Polonais, peut-être pourrait-il accepter que 3 000 pauvres diables et des enfants rentrent sur leur terrain, se référant ainsi à l'évangile de Matthieu qui dit « J'étais étranger, vous m'avez accueilli ». Alors, vous voyez pourquoi je vous dis ça ? Tout ça, c'est un ramassis d'hypocrites et de gens qui veulent faire monter la tension et provoquer des tensions internationales dont ils pensent qu'elles leur bénéficieront. Lors de son intervention mardi, Emmanuel Macron a donné le la pour la présidentielle en remettant sur le tapis les retraites, avec toujours à l'esprit la lutte contre le Covid. Emmanuel Macron a voulu alerter les Français face à une possible flambée épidémique. L'Organisation mondiale de la santé le dit, la 5e vague a commencé en Europe. Pour que leur passe sanitaire reste valable, les Français de plus de 65 ans devront recevoir une nouvelle dose de vaccin. On n'a plus de liberté. On nous impose des choses qu'on pourrait éviter. S'il y a plein de personnes réticentes comme toi, on n'en verra jamais la fin. Dans votre stratégie, à quelles conditions estimez-vous que le pass sanitaire pourrait être levé ? Aujourd'hui, nous faisons face à une recrudescence de l'épidémie. C'est certainement pas le moment de se poser la question. Les 19 millions de Français qui ont regardé le président, pas encore candidat à sa réélection, ont-ils assisté à un discours de campagne qui ne dit pas son nom ? Dès 2022, il faudra, pour préserver les pensions de nos retraités, travailler plus longtemps en repoussant l'âge légal. Fini les coupures de courant. Terminé pour des milliers de Français l'angoisse des soirées dans le noir, sans aucun appareil électrique. Moi, j'ai été coupé une fois, effectivement. Ouais. Et c'est vrai que bon, c'est vraiment la galère. Hein. On s'attend pas et d'un seul coup, pouf, et là, si on n'a pas les sous, ils s'en foutent. Hein. Mais la puissance électrique sera très limitée, autour de 1000 watts. De quoi allumer la lumière. En revanche, difficile de lancer le chauffage. Si EDF s'engage à arrêter les coupures, pas ses principaux concurrents. Des coupures qui concernent chaque année entre 200 et 300 000 foyers. Jean-Luc Mélenchon, le pass sanitaire, il est prolongé en France jusqu'au 31 juillet 2022. Vous y êtes opposé à l'Assemblée nationale. Entre avril et juillet, il va y avoir peut-être un nouveau locataire à l'Élysée que vous souhaitez être. Si vous êtes élu à l'Élysée, vous arrêtez le pass sanitaire du jour au lendemain ? Oui, je m'y prendrai complètement différemment. Vous arrêtez du jour au lendemain ? Écoutez, du jour au lendemain, on verra, poussez pas le tellier. Il faut l'arrêter, ça sert à rien. Voilà, pourquoi ça sert à rien ? Posez-moi cette question. Celle-là, elle vaut la peine. Non, mais vous l'arrêtez. Moi, je me la pose. Vous l'arrêteriez, vous l'arrêteriez. En tout cas, vous l'arrêteriez. Mais bien sûr, parce que c'est une fausse sécurité. Pourquoi ? Le pass sanitaire est fait pour vous interdire d'entrer dans un tas d'endroits tant que vous n'êtes pas vacciné. Or, si vous êtes vacciné, ce qui est mon cas, on vous dit que, pour autant, vous pouvez quand même tomber malade, comme pour tout vaccin, et deuxio, que vous pouvez contaminer les autres. Donc, le pass sanitaire qui vous donne l'impression que vous pouvez faire ce que vous voulez est une illusion extrêmement dangereuse. Par contre, Ce qu'il faut faire, c'est organiser autrement la société, par roulement, pour éviter de se contaminer. Vous avez déjà dit d'ailleurs au début des deux. Oui, je l'ai dit, ils ne l'ont jamais fait. Et attendez, c'est pas tout. Regardez la bêtise qu'ils ont fait. La vraie grosse bêtise. C'est que le seul moyen qu'on avait de savoir si oui ou non on a la maladie, pour agir, c'était le test. Et pour vous obliger à vous vacciner, et que vous alliez pas vous cacher derrière le test, eh bien, ils ont augmenté le test à 41 euros. Donc, le seul moyen qu'on avait de dépister qui est malade et de s'en occuper, on ne l'a plus, parce que qui peut payer 41 euros tous les deux ou trois jours pour aller au boulot, pour faire ceci ou pour faire cela. Donc, tout ça reste mal organisé. Et je n'en suis pas surpris, parce que quand on leur a dit qu'il y aurait une deuxième vague, ils nous riaient au nez. Quand on a annoncé la troisième, et maintenant, c'est eux qui disent « Ah ben tiens, il y a une cinquième vague qui arrive. » Et bientôt, on ne se rend compte qu'une épidémie a des répliques. Avec une autre mesure. Vous faites partie, vous, de la génération qui sera obligée d'avoir une troisième dose pour garder son pass sanitaire. Oui. Ça vous gêne ? Je le ferai. Oui, mais est-ce que ça vous gêne de lier les deux ? Ben, c'est toujours pareil. Moi, j'ai fait un choix rationnel. On m'a dit, si vous êtes vacciné, vous abaissez le risque de choper la maladie et de ses formes graves. Donc, j'abaisse le risque. Mais je m'en tiens à la ligne qui est celle de l'Organisation Mondiale de la Santé. Je ne prends pas ma petite personne pour le centre du monde. L'Organisation Mondiale de la Santé nous dit il faut convaincre et pas contraindre. Et surtout, elle ajoute que ce n'est pas la seule mesure. Et surtout, elle ajoute que la troisième dose, il vaudrait mieux donner les vaccins aux pays qui n'en ont pas qu'à ceux qui en ont déjà eu. Donc, tout ça, je le mets sur la table. Convaincre plutôt que contraindre. Mais la troisième dose liée au pass sanitaire, ça, c'est de la contrainte pour vous. Ah ben évidemment. Mais c'est fait que pour ça depuis le début. Le pass sanitaire, en plus, c'est même pas une nouvelle. Si vous voulez, les Français, on dira, quelle idée quand même, ce monsieur Macron, il en a des trouvailles. Pas du tout. C'est prévu depuis des mois par la Commission européenne. Et dans mon équipe, la discussion qu'il y avait, c'est à quel moment ils vont le sortir. Quand monsieur Macron l'a sorti, on a dit, ah ben tiens, c'est un bon élève qui obéit bien. Tout ça n'aura empêché ni la deuxième, ni la troisième, ni la quatrième, ni, monsieur Le Tellier, la cinquième vague de Covid. Justement. C'est donc la preuve que tout ça marche pas très justement, fort. Justement, la cinquième vague qui pourrait percuter la campagne pour la présidentielle. C'est clair. Il y a une question qui se pose, à vous, candidat à la présidentielle aussi. Vous avez vu que les précédentes élections municipales, puis départementales régionales, ont été décalées en raison de la crise du Covid. Demandez-vous, vous, que le calendrier de la présidentielle soit maintenu, quoi qu'il en soit? Mais attendez, je suis pas fou, moi. Nous verrons bien. Je vais pas exposer la santé de mes compatriotes. Et quand j'entends Donc si ça pas... doit changer, ça doit changer. Mais non, attendez, ce qui est à remarquer, c'est pas ça. C'est qu'il a décidé d'étendre la situation particulière de l'état d'urgence jusqu'à juillet. Quand on leur a dit, vous avez une idée derrière la tête. Vous faites pas juillet pour rien. Vous auriez pu dire, on continue jusqu'au mois de, mars, et puis en mars, clause de revoyure pour savoir ce qu'on fait, par exemple, avec l'élection présidentielle. Non, mais juillet. Pourquoi juillet? Parce que ça enjambe l'élection présidentielle. Donc, depuis le début, ils ont dans la tête de faire quelque chose sur l'élection présidentielle. Et ça commence à sortir. Hier, vous avez un ballon d'essai, un ministre macroniste qui dit « Ah bah, confinement ou pas, on verra. Tiens, c'est nouveau. » Gabriel Attal, chez Laurent. Donc ça veut dire qu'ils ont bien une idée dans la tête. Je ne sais pas vous dire laquelle, mais je trouve que tout ça est détestable. Ça, oui, c'est clair. Emmanuel Macron, vous avez vu, a relancé l'idée de la réforme des retraites. Pour vous, c'est la retraite à 60 ans pour tout le monde, avec 40 ans d'annuité à taux plein. Mais vous vous souvenez, il y a deux ans, dans les manifestations contre la réforme d'Edouard Philippe, vous disiez « C'est la mère des batailles. » Pour 2022, pour vous, les retraites, ce sera la mère des batailles aussi, ou il y a d'autres sujets? Non, mais attendez, il y a d'autres sujets. Une présidentielle, ça englobe tout, et notre pauvre France est tellement brinque-ballée et démolie que... Il y aura pas bien... les retraites. Non, mais il y aura aussi les retraites. Alors, commençons par dire que, pour l'instant, c'est nous qui avons le point. Parce qu'il avait proposé une réforme des retraites qui est passée à l'Assemblée, tout ça s'est pris les pieds en tapis. Pour terminer, ils ont fait un 49-3. La réforme, normalement, pourrait aller au Sénat. Et de réforme de retraite, il n'y en a pas. Donc, c'est nous qui avons le point. Et c'est un échec pour Emmanuel Macron, de ce fait. Ben, évidemment. Qu'est-ce qu'il dit à droite? Eh ben, il a essayé, il a raté. Bon. Mais surtout, ce qu'il faut voir, c'est qu'en ce moment, c'est le concours à qui va être le plus cruel. Alors, l'un propose 64, l'autre 63, 67. Allons-y, pendant qu'on y est. C'est la course. D'ailleurs, la droite est en train de se ridiculiser, parce que à quoi bon, pour un électeur de droite, voter à droite si M. Macron propose de faire pire qu'eux? Donc, comprenez-moi bien. La retraite, oui, il faut réformer. Pour revenir à la retraite à 60 ans, avec 40 annuités. Je sais le financer, je sais le payer. Ils ne veulent faire tout ce cirque que pour une raison. Capter les cotisations de retraite, dans un nouveau système qui permettrait de faire des fonds de pension français. C'est tout. C'est pour transformer la vie des gens en une marchandise négociable. Une dernière question qui concerne l'argent. Et qu'il faut raccourcir la durée du travail dans la vie, la semaine, le mois. C'est ma ligne. EDF a décidé de ne pas couper l'électricité aux clients qui ne pourraient pas payer leurs factures cet hiver. Sauf que tous les opérateurs, tous les fournisseurs ne sont pas sur la même ligne. Est-ce qu'il faut contraindre les autres fournisseurs à prendre la même décision ? Bien évidemment. Pourquoi ? D'abord, EDF, vous constatez qu'ils le faisaient quand même. Parce qu'on m'avait dit, non, c'est déjà interdit. Oui, c'est interdit, mais ils le faisaient quand même. Bon, là, ils le feront plus. Mais comme, attends, ils ont dit qu'ils vont pas le faire. Entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font, faut toujours vérifier si c'est vrai. Mais c'est un bon point de départ. Deux, c'est une grande victoire pour la Fondation Abbé Pierre et les 20 associations qui ont déclenché la semaine dernière la journée de la précarité énergétique. Vous savez, j'ai essayé d'y participer. On a déposé une proposition de loi qui va dans leur sens. Donc, pour l'instant, nous avons le point là aussi. Pas tout à fait. Parce que pour qu'on l'ait vraiment, il faudrait que les premiers kilowattheures soient gratuits, les premiers mètres cubes d'eau soient gratuits, ce que je propose. Pour une raison simple, c'est qu'on peut pas se passer ni d'eau ni d'électricité. Enfin quand même, alors pourquoi EDF le fait-il ? Ils ont une explication que j'ai trouvée absolument admirable de méchanceté. Ils disent, ça sert à rien de couper l'électricité parce que quand on la rétablit, les gens payent pas plus qu'avant. Ah tiens, ils découvrent que la misère n'est pas volontaire, que les gens ne font pas exprès de pas payer. Donc, ils ont constaté que ça servait à rien, alors que tous les autres fournisseurs se le collent dans le crâne. Ça ne sert à rien, donc arrêtez de martyriser les gens, arrêtez de rendre la vie infernale donc, à des pauvres gens. Les autres fournisseurs doivent faire la même chose. Eh bien, ils vont faire la même chose, parce que si je suis élu, ils y seront obligés. C'est le lieu où il fallait être ce week-end pour tout candidat ou candidate à l'élection présidentielle, c'est le salon Made in France, à Paris. Vous y étiez vendredi, oui. Et le bleu, blanc, rouge est décidément à la mode. Bonsoir, messieurs, dames. C'est la première fois ? Non. Je viens assez régulièrement. Je sais plus vous dire tous les combien, mais je viens jeter un œil pour voir ce qu'on sait faire tout seul. Moi, c'est ma troisième campagne présidentielle. Aller quelque part et puis être entouré de caméras et tout ça, c'est plus quelque chose qui m'émeut. Hein. Ravi de vous accueillir ici. Merci, madame. Vous allez être étonné de la diversité de ce qu'on peut trouver encore en France. On a beaucoup désindustrialisé, mais il y a encore des choses. Non, mais encore heureux qu'il y ait encore des choses. Attendez, je m'en occupe, vous allez voir. Ça doit être Mélenchon d'après la coupe de cheveux, mais j'ai pas bien vu. Bon ben, bravo. Merci, Mélenchon. Monsieur Mélenchon. Voilà le lave-vaisselle pour deux personnes. Le seul lave-vaisselle fabriqué en France. Moi, j'ai jamais aimé faire la vaisselle. J'aime bien voir comment font les gens, le contenu, ce qu'il y a dans les objets. Ce qui me titille le plus, c'est l'inventivité. Bonjour. C'était pour vous inciter à aller par là-bas voir nos tots en porcelaine de Limoges. Puis on peut changer le monde avec des idées et des produits. C'est un concept très marxiste. Non, moi, j'ai que les chaussettes rouges. Mon cœur reste plus libéral, mais je suis content de discuter. La dispute, c'est le cœur de la politique. Complètement. Et j'espère que les présidentielles vont servir à ça, parce qu'on a besoin de discussions. Les gars, faut défendre vos trucs. On sera là. Pourquoi il y a autant de politique sur ce salon ? C'est peut-être le moment très opportun pour eux, un lieu bien choisi pour leur promo. Je vous offre mon programme, comme ça vous pourrez, le cas échéant, si vous avez besoin d'un puissant somnifère, le voilà. Voir des gens qui n'étaient pas dans la sinistrose, qui étaient dans « allez, on fait ci, on fait ça », j'ai trouvé que c'était très stimulant. Et du courage, il en faut pour démarrer cette campagne. Là, on va entrer dans la zone des boules puantes et des orages soudains. Donc, il va falloir avoir des nerfs d'acier. J'ai au moins appris ça, faire la tortue. Hein. On rentre les pattes, on rentre la tête, on attend que ça passe, on ressort les pattes, on ressort la tête et on avance. Jean-Luc Mélenchon, vous parlez de boules puantes qui peuvent intervenir au cours de la campagne électorale. Alors, vous dites même. Je croyais que vous alliez m'interroger sur le Made in France. On va y venir. Ah bon, mais je rebondis juste, on vient d'entendre ça, vous venez de le dire. Oui. Il y a des boules puantes, c'est l'époque des boules puantes. Vous craignez quoi exactement ? Quelles boules puantes ? Comme d'habitude, la dernière fois, comme ça, il y a une affaire qui sort, et puis, alors c'est une affaire où c'en est pas une d'ailleurs. Hein. Sur quoi par mais, exemple ? Mais j'en sais rien, moi la dernière fois c'était les costumes de Monsieur Fillon, et pendant 4 semaines on n'a parlé que des costumes. Non, mais pour vous craignez impossible quoi ? D'arriver. Moi c'est simple, je suis le seul candidat à propos duquel une enquête préliminaire a été engagée à propos de mes comptes de campagne. Mes comptes de campagne 2017. Oui, ont été validés, reconnus, etc. Mais quand même, il y a une procédure. Donc, à intervalles réguliers, des gens de mes équipes sont convoqués pour demander si c'est bien eux qui ont acheté le caramba. Oui, l'ancien trésorier, Bastien Lachaud, député, a été mis en examen. Notamment. Non, il n'était pas trésorier. Et il est. Ça, c'est un exemple tout à fait typique des méthodes pourries qui sont utilisées contre nous, parce que il est accusé d'escroquerie, c'est un grand mot, ça, on parle la moitié du code pénal. Et que fait Bastien Lachaud ? Il gagnait 1900 euros, il n'a pas un euro de rab dans ses comptes personnels, et l'association dont il était l'employé a fait 6000 euros de bénéfices pour un budget de campagne de 11 millions. Donc on voit que c'est une manipulation, que c'est fait pour qu'on puisse montrer la photo de Bastien, qui est mon ami, qui est député de Seine-Saint-Denis, un des députés les plus qui bosse le plus à la commission de la défense, qui est actif dans le monde de la défense de la condition et animale, présent aux questions et qui est sali parce que c'est fait pour ça. Alors on vous dit escroquerie, usage d'escroquerie, faux, blabli, blabla. Alors il y en a long comme ça. Le gars il part avec ça, il est habillé pour l'hiver. Et c'est comme ça qu'on va me pourrir ma campagne. Je le sais, vous le savez. Je vous remercie d'avoir donné l'occasion de le dire. Que tous ceux qui m'entendent sachent que c'est ça qui va être utilisé contre moi. Il y a même des gens qui comptaient dessus. On m'avait dit que dans certaines équipes, les gens disaient « Oh, ben, de toute façon, Mélenchon, il va être éliminé en cours de route. » Ben, c'est ce que nous allons voir, les petits gars. Alors, vous parliez du Made in France. Ouais. Yves Jégot, qui est le fondateur de ce salon Made in France, ancien ministre, ouais, dit « Je demande à chaque candidat à la présidentielle de s'engager à ce que 25% des marchés publics soient réservés aux entreprises françaises. Est-ce que vous signez ?» Ah ben, c'est dans mon programme. Donc, c'est 25%, c'est plus ? Non, non, c'est en général. D'accord. Mais je vais dire à M. Jégot et à tous ceux qui ont dit « Oui, oui, bravo hein, !» À tous. Comme à tous ceux qui ont dit qu'ils étaient d'accord avec le protectionnisme écologique. Chacun dit avec ses mots. Ou protectionnisme que vous voulez. À tous qui voulaient du Made in France. Vous êtes obligés de fermer les frontières sur certains produits. Très bien. Si vous voulez le faire, alors vous devez répondre à une question. Comment vous faites alors que c'est interdit par les traités européens ? Interdit ! Donc, il faut sortir de ces traités. Il faut sortir de ces traités en général, mais au moins sur ce point-là. Moi, j'ai changé de tactique par rapport à l'Europe. Si vous en faites un problème global, on n'arrivera jamais à discuter. Si vous le prenez à partir de ce qui compte à mes yeux, la volonté populaire. Que veulent les gens ? Supposons qu'ils votent pour moi. Ils disent « Mélenchon, vous allez faire du protectionnisme raisonné. Très bien, à vos ordres. Je le ferai. Qu'est-ce que je ferai ? J'irai à l'Europe et je leur dirai « Là, il y a protectionnisme raisonné, opt-out, c'est-à-dire le traité européen ne s'applique plus en France. Autrefois, d'autres pays l'ont fait. Et encore aujourd'hui, d'autres pays le font. Il y a qui n'ont pas l'euro, il y en a qui n'appliquent pas telle ou telle directive. Donc moi, j'annonce que je n'appliquerai plus aucune directive contradictoire au programme sur lesquels les gens m'auront élu. Vous voyez, comme ça, on sort de la guerre de religion et on rentre dans quelque chose de bien précis. On va accueillir maintenant Frédéric Saïs, éditorialiste politique à France Culture, pour sa carte blanche. Bonjour Frédéric. Bonjour Francis, bonjour Jean-Luc Mélenchon. Vous avez gardé votre voix pour nous, parce que vous êtes tout le monde a un peu la voix un peu cassée. Alors Jean-Luc Mélenchon, vous entretenez un rapport parfois complexe vis-à-vis des sondages. Vous les critiquez volontiers, par exemple récemment vous avez tweeté « les résultats sont biaisés », c'est le terme que vous avez employé, mais il arrive aussi que vous vous réconciliez de temps en temps avec les études d'opinion. Vous en avez partagé oui, certaines, comme il y a quelques semaines, on va la voir à vos abonnés sur Twitter. « Je gagne un point dans tous les cas de figure », c'était sur votre compte Twitter. Bien sûr, on connaît les limites, les failles des sondages, elles ont été documentées. Le journaliste Luc Bronner du Monde récemment a réussi à s'inscrire à plusieurs échantillons, vous avez vu, de sondages, dizaines d'échantillons, quitte à pouvoir c'est les fausser éventuellement. Dit, vous le croyez, mais quand c'est moi qui le dis, c'est plus vrai. Alors j'y viens justement. Dans votre famille de pensée politique, vous avez une critique qui est quasiment systématique des sondages, sur le principe même des sondages, à la suite d'intellectuels comme Pierre Bourdieu. Il n'y a pas si longtemps d'ailleurs, vous qualifiez les sondages d'horoscope. Alors, parlant d'horoscope, je ne sais pas si vous êtes Verseau, mais n'êtes-vous pas versatile quand vous relayez les sondages en hausse et quand vous dénigrez les sondages quand ils sont en baisse ? Alors d'abord, personne n'est obligé à la bonne foi à propos de chiromancien de cette sorte. Bon, je ne vois pas pourquoi. Moi, je devrais être de bonne foi. Et pas eux. Et vous pas reconnaissez vous. Une forme de mauvaise foi vis-à-vis des sondages. Vous n'êtes pas de bonne foi. Vous ne faites pas état des arguments que j'ai utilisés. Vous en restez à la surface des choses. Tiens, il a dit blanc. Tiens, il dit noir. Donc, il ne sait pas ce qu'il veut. Non, il sait ce qu'il veut. Vous dites, je peux être de mauvaise foi vis-à-vis de choses qui ne sont pas scientifiques. Non, laissez-moi finir, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Bon. Il y a une attitude, vous avez raison, de principe. C'était la nôtre pendant fort longtemps. C'était le choix qu'on avait fait sur la base des sociologues qui sont membres des Insoumis. C'était tout ça, c'est bidon. Et ce qui est vrai d'ailleurs, parce que on disait, suivant ce que disait Pierre Bourdieu, le sociologue très célèbre, l'opinion publique n'existe pas. Vous posez une question à quelqu'un, monsieur, tiens, je vous prends vous au hasard, qu'est-ce que vous pensez des cheveux verts ? Ben tiens, la seconde d'avant, vous n'aviez aucune idée, ni sur les cheveux, ni sur... Ça, c'était avant, mais maintenant... Ça consiste à demander à des gens, poser des questions sur des sujets qui les intéressent. Maintenant, vous demandez, Frédéric. Alors, donc, commençons, ça c'est point. Deuxième attitude, on a changé. On a dit, ça sert à rien. Pourquoi ? Parce que le sondage... C'est comme le sucre, c'est une addiction de l'esprit. Alors, il faut bien trier. Qu'il y ait des sondages pour la forme des barquettes de poissons, qu'il y ait des sondages pour la couleur des pullovers, pourquoi pas. Mais sur les hommes politiques et sur la politique, non, parce que ça fausse tout. Mais on ne peut rien contre, parce que vous autres journalistes, ça remplace votre travail de terrain. Ça, vous avez des chiffres avec ça, vous papotez pendant des heures alors, sur Frédéric, les plateaux. Alors, donc, Frédéric, va vous. Attendez, donc, ah mais on peut pas accuser puis après pas vouloir c'est entendre pas accusé, la réponse. C'est pas accusé, si, d'être de changer d'avis, verso et compagnie, on connaît. Donc maintenant nous disons la autre chose, nous leur disons puisque nous analysons leurs fiches et nous nous apercevons de choses incroyables, qu'elles sont en contradiction à 100% dans certains domaines, qu'ils ne publient pas les fiches en même temps, qu'ils ne les donnent pas en même temps que les résultats et que vous autres, les journalistes, d'une manière absolument irresponsable, vous commentez des chiffres sans les regarder. Donc, il y a donc nous avons demandé, écoutez, on a demandé à la commission qui s'en charge de réagir. Qu'ont-ils fait ? Rien depuis le mois de juin dernier. Et alors justement, on demande juste afficher la proportion de gens qui votent. Parce que voyez-vous, au lieu de discuter des sondages et des scores de Jean-Luc Mélenchon qui se moquera de vous dans les notices, vous feriez bien de dire comment ça se fait que vous ne parlez pas du fait que tous ces sondages prévoient 50% d'abstention. Alors pas tous justement. Juste, attendez. Ah ouais, attendez. Ouais, ouais. Mais justement, mais en vous fonction dites, des fluctuations, attendez, je monte. Je vous disais, alors, voilà. Frédéric, donc vous dites, il y a les bons et les mauvais sondages, c'est un peu comme les chasseurs. Il y a 2 ans, votre parti, la France Insoumise, avait annoncé créer un institut de sondage maison. C'était lors des européennes. Vous disiez, comme ils font mal leur travail, on va le faire nous-mêmes. Depuis, plus aucune nouvelle. C'est abandonné ce projet ? Non, pas du tout. C'est pas un projet, c'est une réalité. Nous avons un outil de sondage, mais il n'est pas public et il n'est destiné qu'aux dirigeants de la France Insoumise. Vous avez vos propres chiffres. Oui. Vous avez vu également ce rapport de la députée LR qui a sorti des chiffres cette semaine qui sont assez spectaculaires. Marie-Christine Dalloz, sur les dépenses de communication au niveau du gouvernement. 2,1 millions d'euros dépensés de janvier à septembre, notamment pour des études d'opinion. Le gouvernement dit c'est normal, il fallait sonder l'opinion, comprendre l'état d'esprit des Français à cause de la crise Covid. Selon vous, est-ce que l'exécutif devrait se priver de tels instruments ? Écoutez, j'en sais rien, je vais vous dire, je m'en fiche, ils font bien ce qu'ils veulent. Mais par contre, vous n'avez pas attaché un instant d'attention à ce que je viens de dire. Que faut-il faire si l'on dit que les sondages en politique sont malvenus et sont forcément manipulatoires ? Parce que, voyez-vous, quand on annonce 50% d'abstention et que ça aboutit à me mettre en dessous de 10, ce qui est le seul cas où j'apparais en dessous de 10, ça veut dire que les gens qui regardent ça, ben, ils se disent « Ouais, finalement, ça sert à rien, donc j'y vais pas. » Il faut interdire les sondages en période de campagne électorale. Il y a une loi qui existe, qui a été adoptée à l'unanimité du Sénat, qui propose d'interdire les sondages un mois avant avant le vote. Rappelez-vous bien, à l'unanimité. Un mois. Alors juste, elle a plus. Déjà été adoptée. Et on pourrait l'adopter, elle a été adoptée au Sénat, elle pourrait venir à l'Assemblée nationale. Arrêtez de bouger, ça me distrait. Non, mais il me reste 30 secondes. Et donc, oui, mais je réponds. J'entends, écoutez j'entends. Les réponses. Je comprends. Vous avez dit qu'on vous un mois avant l'élection. Je vais finir la phrase. Les gens n'ont pas besoin que vous répétiez 4 fois ma réponse. Pour comprendre précisément reste, ce que vous proposez. Non, mais vous avez besoin de répéter 4 fois, mais il n'y a pas besoin. On cherche à comprendre ce que vous voulez dire. Oui, parce que c'est pas clair. Bah, allez-y. Ah bon, ben vous êtes trop bon de nous laisser la parole. Alors 10 secondes. Un mois avant l'élection. Vous prenez c'est fini. Les journalistes, c'est fini. Nous vous écoutons. On a compris un mois avant, tout le monde a compris sauf vous. Alors je termine ma phrase, si vous le permettez. Voilà. Nous demandons que les instituts de sondage publient, vous comprenez ? Répétez, publient tous les éléments de leur fiche technique. Bien. Virgule, et les publient en même temps que le sondage. Répétez, en même temps que le sondage. Merci. Merci, voilà, Frédéric. Merci, monsieur. Merci pour votre pédagogie. Vous avez bien entendu, je pense, Frédéric. Non, il n'a pas compris. Si, il a bien compris. Sinon, et je cite, quoi, merci Jean-Luc Mélenchon d'avoir accepté notre invitation. Je situe que jeudi sort l'Avenir en commun. Il n'est pas encore né, il va me tirer les poils de la moustache. C'est votre programme. C'est votre programme. Oui, alors ça sort le 18. Oui, jeudi, jeudi. Et nous serons dans la rue le week-end qui suit partout pour le vendre. Merci monsieur Le Tellier. Et Catherine Matoche arrive pour l'actualité de la mi-journée. Merci. Nous aurons du pain doré comme des filles sous les soleils d'or. Nous aurons du vin de celui qui pétille même quand il dort. Nous aurons du sang dedans nos veines blanches, et le plus souvent, lundi sera dimanche, mais notre âge alors sera l'âge d'or. nous aurons des lits creusés comme des filles dans le sable fin. Nous aurons des fruits les mêmes qu'on grappille dans le champ voisin. Nous aurons bien sûr dedans nos maisons blêmes tous les becs d'azur qui là-haut se promènent, mais notre âge alors sera l'âge d'or. Nous aurons la mer à deux pas de l'étoile, les jours de grand vent. Nous aurons l'hiver avec une cigale dans ses cheveux blancs. Nous aurons l'amour dedans tous nos problèmes et tous nos discours finiront par « Je t'aime, vienne, vienne, alors, vienne là. » La revue de presse. Alors, mardi 16 novembre 2021, par exemple, cardiologie, le soutien affirmé de l'ADEMAT H à Remiremont. L'ADEMAT soutient depuis plusieurs années l'accès aux soins pour tous dans le bassin Romarimontain. S'il arrive quelque chose au fond des vallées et qu'il faut aller à Épinal, on est cuit. Ce propos alarmiste de l'habitant du Ménil témoigne de l'inquiétude d'une partie de la population concernant le manque de proximité pour les prises en charge des maladies cardiovasculaires. 5000 Vosgiens vont chaque année hors département pour se faire soigner, affirme Jean-Pierre, président du collectif. L'association sera en tout cas de nouveau dans la rue le samedi 27 novembre prochain à 10h pour défendre l'hôpital de Remiremont et se joindra au Rassemblement national à Paris devant le ministère de la Santé prévu le 4 décembre. Michel, j'ai été réanimé 5 fois entre Épinal et Nancy. Eh oui, voilà. Voilà où on en est. Voilà où le fait de voter pour Macron nous amène à la catastrophe. Eh oui. Alors, autre chose, dans l'autre sens, cette fois, Remiremont et environ, Vosges Matin du mercredi 14 novembre 2018, Saint-Étienne-lès-Remiremont, une émission contre le harcèlement scolaire. En novembre, une journée est organisée pour lutter contre le harcèlement scolaire. Radio Guémozo y a consacré une émission de plus d'une heure, témoignage à l'appui. Voilà, pendant plus d'une heure d'échange, les intervenants de l'émission ont abordé la question du harcèlement scolaire. Alors, faut rappeler qu'il y a 700 000 enfants victimes de harcèlement scolaire chaque année en France. Chaque année en France, 700 000. Et voilà. Radio Guémozo a joué son rôle, hein, cette fois-là encore. Autre chose, François Ruffin, nous sommes dirigés par une élite inconsciente et cynique, obsédée par la croissance des bénéfices, la concurrence, la mondialisation, qui fonce droit dans le mur écologique. Nous devons lui reprendre le pouvoir, il n'y aura rien sans débordement populaire. Autre sujet, stop nucléaire, Drôme Ardèche, des fuites de SF6, ce fluorure de soufre, le plus puissant gaz à effet de serre, ont été relevés par l'autorité de sûreté nucléaire dans 6 des 18 départements des 18 centrales du pays. Alors, conquête sociale de la France, 1864, droit de grève, 1884, droit syndical, 1887, première bourse du travail, 1910, journée de travail de 10 heures, retraite à 65 ans, 1919, journée de travail de 8 heures, semaine de 48 heures, 1928, assurance maladie, 1936, délégué du personnel, congé payé, 15 jours, semaine de 40 heures, convention collective. Ensuite, 1945, comité d'entreprise, sécurité sociale, mais là il y a des oublis. 1946, statut de la fonction publique, généralisation de la médecine du travail. 1950, salaire minimum interprofessionnel garanti, le SMIG, S-M-I-G, qui a été remplacé subrepticement par la suite par le SMIC, S-M-I-C, salaire minimum interprofessionnel de croissance, non plus garanti, mais de croissance. Voilà comment on nous roule de la farine en changeant seulement une lettre, hein, voyez, et surtout le contenu. 1956, troisième semaine de congé payé. Ah oui. Je m'en souviens. 1958, assurance chômage. 1969, quatrième semaine de congé payé. 1971, formation professionnelle continue. 1975, assurance vieillesse pour tous. 1982, cinquième semaine de congé payé, semaine de 39 heures. 1983, retraite à 60 ans. Et 1998, semaine de 35 heures. Alors, on nous saoule avec les sondages à longueur d'antenne. Pas sur les radios libres, hein. Allons. Dans les télés officielles, les tenues en main par les larbins de la banque Rothschild, les politiciens au service de la banque Rothschild, et des autres banques, bien sûr, hein, aussi. Ah, bah oui. Alors, voilà un sondage publié par l'ISS, au doigt mouillé, Institut Suisse de sondage. Alors, 8099, Zurich, élection présidentielle française, premier tour, avril 2022. Intention de vote au premier tour. Hypothèse, Xavier Bertrand. Alors, Jean-Luc Mélenchon, 25% des voix. Marine Le Pen, 17%. Yannick Jadot, 16%. Emmanuel Macron, 15%. Xavier Bertrand, 8%. Éric Zemmour, 7%. Anne Hidalgo, 5%. Bravo les Suisses, vous faites des bons sondages. Hein? Eh oui, il faut publier les sondages suisses en France. Maire de France, Dominique Peduzzi, entre au bureau national. Dominique Peduzzi, président de l'Association des maires des Vosges, entre au bureau national de l'Association des maires des Vosges. Covid, pas de quoi paniquer. Page 6 du vendredi 19 novembre 2021. Pas de quoi paniquer. Une cinquième vague serait aux portes du Grand Est et commencerait à inquiéter les autorités françaises, même si l'on aperçoit à peine l'écume à ce stade. En Lorraine, pour l'heure, le taux d'incidence remonte, mais sans engorger les hôpitaux dont l'activité Covid reste établie. Alors, le même journal, Vosges Matin, du vendredi 19 novembre aussi, mais page 2. Dans les Vosges, les cas positifs ont doublé en 10 jours. Alors, que faut-il croire? La page 2 ou la page 6? Ben, je vous laisse juge. Et oui. Et vous êtes lecteur, électeur, etc. Donc, vous êtes juge. Voilà. Commerce et manif. L'impossible consensus. Depuis plusieurs semaines à Nancy, le maire tend la main pour échanger avec les manifestants afin de limiter l'impact commercial de samedi dégradé. Eh oui, ben oui, quand les gens manifestent dans la rue, devant les commerces, ça fait baisser quelque peu le chiffre d'affaires des commerçants en question. Mais lorsque le chômage augmente, n'oublions pas que nous avons 6 millions de chômeurs en France, comme il y avait en Allemagne en 1932. Allemagne 1932, 6 millions de chômeurs pour 60 millions d'habitants. France 6 millions de chômeurs pour 64 millions d'habitants, 6 millions environ, hein, pour 64 millions d'habitants en 2021, avec les élections bientôt. Eh oui, il y a des élections bientôt, comme en Allemagne, il y a eu des élections en 1932 et puis en 1933. Et en 1933, devinez qui a été élu? Ah oui, il a été élu démocratiquement, Adolf Hitler. Eh oui, malgré qu'il avait dit dans Mein Kampf qu'il utiliserait les élections, qu'il utiliserait la démocratie pour détruire la démocratie, comme ça, il n'a pas dit dans ces termes-là, mais à peu près, eh bien, voilà, l'électeur allemand se laissait rouler dans la chose. Bon, voilà. Alors l'électeur français, lui, il est plus intelligent. Hein. Ben oui, parce que depuis, on a les ordinateurs, on a des chaînes de télévision en veux-tu en voilà. Hein. Ben oui, la sécurité sociale devrait rembourser, paraît-il, les piles de zapettes. Ah oui, parce qu'on passe beaucoup de temps à changer de chaîne. Eh oui. Alors Lorraine, commerce et manif, l'impossible consensus. Et ben oui, c'est. Alors, donc, les manifs nuisent au commerce, nuisent au chiffre d'affaires du commerce, mais le chômage fait encore plus de dégâts. Le chômage des salariés fait plus de dégâts chez les commerçants encore que les manifestations, parce que les manifestations, elles passent, elles durent pas longtemps, et puis elles vont pas partout, et puis les gens qui passent sur le trottoir, ils sont pas gênés par la manifestation qui passe dans la rue, hein, qu'on vienne pas nous raconter des bêtises. Hein, les commerçants, ils devraient participer aux manifs. Ils devraient. Eh oui, mais non, ils votent à droite. Eh oui, ben voilà, c'est comme ça que, hein, qu'on scie soi-même la branche sur laquelle on est assis. Eh oui, voilà. Massif des Vosges, la qualité des Munsters à la loupe. Alors les Munsters, rappelons qu'il y a 3 siècles, le Munster, il s'appelait le Géromé. Il y avait à Géromé une journée, une fois par an, dont j'ai oublié la date, où l'on vendait tous les fromages de la zone au profit du duc de Lorraine. C'était l'impôt unique des cultivateurs. Par rapport au duc de Lorraine, c'était le produit de la vente des fromages d'une journée. Voilà, la production d'une journée qui était vendue. Et c'était donc le fromage qui se vendait à cette époque-là. Il se vendait à Géromé et il s'appelait comment ? Ben, il s'appelait le Géromé. Voilà. Alors, c'était les gens de Géromé, Xonru, Longemer, Le Valtin, tous les environs, y compris les gens de Munster qui venaient vendre leur fromage ce jour-là. Bah oui, parce que les pâturages sur les Hauts-de-Chaumes, ils appartenaient au duc de Lorraine, qui les... Voilà, hein. Eh ben oui, le Géromé, donc, à retenir. Oui, oui, oui, le Géromé, pas le Munster. Bon, on va quand même pas faire du chauvinisme, hein, mais du nationalisme déplacé, hein, mais quand même, hein. Géromé plutôt que Munster, ça serait mieux. Les victimes de violences conjugales encore trop peu relogées. Alors voilà une affiche. Il m'insulte, il me frappe, je pars, hébergement d'urgence complet, je rentre, il m'insulte, il me frappe et ça commence. Voilà. La Fondation des femmes demande de garantir une mise en sécurité immédiate et inconditionnelle. Alors la dame Schiappa, elle a fait quoi depuis 4 ans? 4 ans qu'elle s'occupe de ça, paraît-il, dit-elle, croit-elle, prétend-elle. Environnement, la déforestation bat des records en Amazonie. La déforestation en Amazonie brésilienne a augmenté de près de 22% en un an, soit une surface proche d'un record inégalé depuis 15 ans. Voilà. Et ça, c'est un rapport direct avec le climat et avec la fertilité des sols. Et si le peuple brésilien a des problèmes pour se nourrir dans quelques années, eh bien voilà. Et bon, ben on laisse faire. Et même, on laisse faire, oui. C'est même pire, mais enfin. Alten, les actions, la bourse. Hein. Alten, plus 63%, Capgemini, plus 70%, CNP Assurance, plus 63%, Dassault Systèmes, plus 69%, De Richebourg, plus 67%, Erramé, je sais pas ce qu'ils vendent, 63%, Eurofin Science, Eurofins sans doute, 60,60%, Hermès Intitel, international, pardon, l'action vaut 1675 euros et elle a augmenté de 90,48% depuis un an. Et oui, vous voyez que le Covid, le chômage ne fait pas du tort à tout le monde. Ça fait beaucoup de tort à beaucoup de gens et ça fait beaucoup de bien à une minorité. Voilà, voilà, voilà. Saint-Gobain, plus 62%. Sartorius, State Bio, plus 72%. Alors, 72% d'augmentation, Sartorius, State Bio, est-ce qu'ils fabriquent pas, par hasard, un vaccin contre la Covid? Non, hein. Non, non. Bon, je me suis trompé, je sais pas. Faudrait se renseigner quand même. Valneva, plus 177,42%. 177% d'augmentation. Vous rendez compte un peu? Ça va bien la bourse, hein? Tout va bien. Tout va bien pour les boursiers, pour les capitalistes. Lycéens et professeurs manifestent contre les violences faites aux femmes. À l'initiative de leurs professeurs, une vingtaine de lycéens du Jeanne d'Arc, de la section sciences et technologies de la santé et du social, ont manifesté symboliquement devant l'hôtel de ville. Ils ont souhaité apporter leur soutien aux victimes de violences sexistes, sexuelles et conjugales. Alors, les demoiselles, elles manifestent en levant le poing. C'est très bien. Alors, le poing, ce n'est pas une menace. Comme on l'a prétendu certaines fois, ce n'est pas non, le point levé, ça veut dire unissons-nous comme les cinq doigts de la main. Voilà, c'est un message tout à fait pacifique. Alors bravo les demoiselles de Jeanne d'Arc, voilà, très bien, très bien, très bien. L'instruction civique, ça peut aussi déboucher sur une action réelle, concrète. Ensuite, le député Viry fait sortir de ses gonds le Premier ministre. Les raisons, une question au cours de laquelle le député Vosgien, les Républicains, accusaient la majorité de tous les maux de l'hôpital. Prenant en exemple la réforme creuse de l'année 2022, un pacte, refondation des urgences qui n'a abouti à rien, un Ségur de la déception, avant de questionner quelle réforme technocratique allons-nous encore nous proposer. Allez-nous encore nous proposer avant de recentrer la santé sur l'humain. Recentrer la santé sur l'humain. Ah, bravo Stéphane Viry. Bien parlé. Voilà quelqu'un qui mériterait de voter à gauche. Ouais. Alors, le saviez-vous? Je parlais tout à l'heure des oublis dans l'énumération des progrès en matière de sociale. En France, eh bien, en 1945, le saviez-vous, la France a eu un jour un ministre du Travail qui savait ce que travailler veut dire. Dès l'âge de 13 ans, il avait travaillé en usine, lui. Il s'appelait Ambroise Croizat. Nous lui devons la sécurité sociale, la retraite par répartition, les comités d'entreprise, les conventions collectives, la réglementation sur les heures supplémentaires, la médecine du travail. Il a fait tout ça en moins d'un an et demi entre 1945 et 1947. Et les manuels d'histoire se gardent bien de parler de lui. Il est tellement à mille lieues de nos politicards nantis, déconnectés et mal intentionnés. Nos politicards nantis. Vous croyez que nos politicards sont nantis? Que nos politicards sont déconnectés? Que nos politicards sont mal intentionnés? Oh! Oh! Les puissants préfèrent que le peuple l'oublie. Ça pourrait nous donner de mauvaises idées. De mauvaises idées, de leur point de vue, des gens de droite, hein, voilà. Mais il faut revenir là, il faut revenir à 1945, eh oui.